Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89 ans. Aujourd'hui, Assemblage requis. Anne-Julie Durocher sera avec nous pour sa chronique aléatoire. Et on parle de l'âge Jupiter avec Jasmine Raymond-Dréville. On fera aussi le survol du plus récent numéro du journal Zone Campus. Assemblage requis commence maintenant. Bon matin, bienvenue à Assemblage requis en ce mercredi 5 septembre 2012. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, François Olivier. Et bienvenue à vous en direct des studios de CIFO à Trois-Rivières. C'est de là que nous vous accueillons dans notre humble petite demeure. Demeure. Parce qu'on reste ici, il faut le dire. C'est vrai. C'est confortable, ce petit racoin de studio. Exact. Qu'on appelle un studio, mais qui finalement est un local avec des affaires de radio dedans. Avec des micros dedans. C'est ça. Aujourd'hui à l'émission, on va avoir en début d'émission le survol du journal Zone Campus. Dans 15 minutes environ, on va parler du plus récent numéro avec, sur la couverture, le président de l'AGEQTR qui quitte. Qui a donné sa démission. Oui. Ensuite, à 7h30, François et moi, en tout cas, on verra. On va faire un petit peu peut-être le survol de la semaine. Du campus, les affaires qui se passent cette semaine. Un petit peu. Parfait. C'est parfait. Ensuite, à 7h45, Anne-Julie Durocher sera avec nous pour sa chronique. En fait, j'irais... Presque, j'oserais utiliser le mot aléatoire. Parce que ça va être une chronique un peu n'importe quoi. Funny, le fun, t'sais, plaisir, puis c'est peut-être un petit peu culturel, quelque chose comme ça. Ensuite, à 8h, Jasmine Raymond-Dréville nous parlera des actualités et des activités de l'AGEQTR. Ensuite, plus tard en émission, et là, on va essayer de tout rentrer dans la même émission. Hein. On va faire Tu manges mon cœur, François. Oh. Nos coups de cœur de la semaine, ça te tente? Ça me tente. Ça me tente. Et puis, écoute, on reviendra un peu sur les élections. Oui. De la région, uniquement. Parfait. On ne parlera pas de ce qui s'est passé ailleurs, on va parler un peu de ce qui s'est passé dans la région. Un petit peu plus tard dans l'émission. Parfait. Et aussi, à la fin, toute fin, on fera C'est un fait, Quickie Edition. Mais pour débuter l'émission d'aujourd'hui, François, c'est toi qui l'as suggéré. Qu'est-ce que tu nous as suggéré, juste pour... Ben, lendemain des élections, évidemment, Jean Charest qui n'a pas été élu dans son comté, et d'ailleurs qui a perdu quelques plumes au niveau du Parti libéral. Je pensais à libérer nous des libéraux. Je pense que on l'entendra plus. Il n'y a personne qui va la faire jouer aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Je pense qu'on va être les seuls à faire jouer. On va être les seuls en Mauricie. Oui. Ça, c'est évident. Qui a eu cette idée-là? C'est beaucoup trop, je dirais, original. Ben oui. C'est sûr. Ouais. Donc, pour essayer de rendre ça une coche plus originale... Un petit remix de la part d'un groupe qu'on adore, parce que ceux que vous entendez en ce moment, là, la chanson thème d'Assemblage requis, c'est Vanessa Pariétaire, et ils ont fait un remix de Libérez-nous des libéraux, version métal lourd. Oh. Assez incroyable. Donc, Libérez-nous des libéraux de Vanessa Pariétaire. Nous sommes prêts à faire avancer... les intérêts du Québec. La maison pour le mi-Canada à bâtir. Force proto que milité pour amir, qu'attire. Maintenant la table est mise pour 4 ans, bâtir, à grandir, à vue d'œil, à huri, à la vue. De la bande d'abrutis qui bras d'avril d'abattu. Qui vendent à rabais par ma bande. Que votre prix vous demande, aucune espèce qui ressemble d'un abatti. Coupe sombre, coupe en blanc, coupe grès. Alouette, je ne plus marrer. Et puis pour couper, courou, courou populaire. Va ta peau, fais tout, la foule est légifère. À ton boulevard, puis tout sourire, il sert la soupe populaire. C'est ça être solidaire quand on a sacré toute la terre. L'Amérique est son affaire, ça fait même trop l'affaire. Des régions d'affaires, du Canada pis du Conseil du patronat. Baillon, pas baillon, je rêve pareil, le patron des patrons. T'inquiète, baillon. Si le démat, démat, tellement, t'as glissé de tellement que c'est comme de la musique à tes oreilles. Comment t'as jeté d'avoir des barbares, t'as des tympans d'avoir un gars. Face à la menace de la patrie, on brandit le poing de la patrie à la face des bandits. Face à la menace de la patrie, on brandit le poing. Libérez-nous des libéraux. Libérez-nous des libéraux. Libérez-nous des libéraux. charisme, même garnesse. Des biens et services publics en lice. Faut que ça finisse la chasse au PS. Pour eux, c'est une business inespéré, pis ceux qui dépèrent. Et s'il reste plus qu'à prier, Saint-Jean-Baptiste, ça vous apprendra ma race de séparatistes. Il n'y a pas de place, on peut pas faire la place. Contrôle de performance pour la SGF, pour les CPM, pour les STF. Hey, un impôt sur la quête. Tiens, ce serait pas bête que ça dirige le Québec comme une PME, comme un BIP, pour que la ligne les pays PES. Si ça sait, ça se connaît, la clé du succès pour le 24 du sexe, c'est d'assexe le Québec. Quel beau sujet pour Jean-Claude Labrec, à hauteur de gnome, hauteur de braguette. Sucer debout, c'est ça, se tenir drette. Je suis prêt. On est loin de maître chez nous. Maître comme jamais, y'a un traître chez nous. Ça sent quand il parle comme un derrière de boîte de céréales. Si tu penses me faire la soirée, ton temps est tarissable. Je vais sous ton ciel, musée, je suis ton fidèle. Face à la menace de la braderie, on brandit le poing de la patrie à la face des bandits. Face à la menace de la braderie, on brandit le poing. Libérez-nous, des libéraux. Des libéraux. Paris, Pont-Chaviré, c'est parti comme en Argentine. En Bolivie, de Pont-la-Lon, c'est pas contre. La deuxième position du palmarès anglophone, c'est The Hives, et Go Right Ahead. Assemblage requis. Oh oui. Wow. Ça, c'est rock, hein? Quand ça fait le même, c'est rock. On aime ça. Oh, on aime bien ça. Hey Mathieu, écoute, on fait une petite tournée des élections, okay, hein, qui se déroulait hier. On va parler uniquement de la région. Qu'est-ce qui s'est passé? Bonne idée. On va commencer avec le comté de Trois-Rivières, où ce qu'on est là présentement. Oui. Daniel Saint-Amand qui a obtenu un deuxième mandat de justesse. C'est quand même assez surprenant, je trouve. Ben, je trouve que oui, partout ailleurs. En tout cas, la tendance a l'air d'être pas mal plus au PQ dans les régions comme la nôtre. Et puis ici, je sais pas, je veux pas m'avancer dans les théories de pourquoi, là. En tout cas, elle a passé de justesse. Mais c'est ça. Ça sonne un peu bizarre, quand même. Ouais, ouais. En tout cas, c'est assez surprenant, d'ailleurs. Ouais. Puis, je pense qu'eux-mêmes s'attendaient sûrement pas à ça. Je pense que non. Je pense que non. Avec la vague péquiste qu'on connaissait, et puis surtout dans la région. Bref, une surprise quand même de taille. Ouais, ben sûrement que l'autre, en fait, Jemina Benhabib, si on la nomme, avait promis de déménager dans la ville. Donc, j'imagine que peut-être que les gens étaient réticents. Vu qu'elle restait pas ici. Elle restait pas dans la région. J'ose espérer que c'est la raison et non pas l'autre raison, évidemment. T'sais. Peut-être, mais en même temps, on se rappelle très bien qu'au niveau du parti de Jack Layton dans le temps, le nom m'échappe, là. Root. Ouais, ouais, c'est ça, exactement. Mais Sarah Lee Root. Ouais, ouais, mais tous les candidats n'habitaient pas dans la région, même Lise Saint-Denis, qui est maintenant une transfuge là, qui s'étendait au Parti libéral. D'ailleurs, j'ai très hâte. Hein, pour ceux qui aiment la politique, ça va se passer ici demain à l'émission à 8h30 avec François Landry. On va faire un petit récapitulatif des élections. J'en suis convaincu. Donc voilà, si on continue, Julie Boulet qui obtient d'ailleurs un cinquième mandat dans la Violette. Cinquième mandat... C'est moins surprenant. Les gens sont habitués de l'avoir, ils veulent la garder. Ouais, ouais, c'est ça. Ça fait longtemps. Une surprise d'ailleurs aussi, en fait, qui m'a pris de court un peu. Nicolas Bécancourt, où il y a un député de la CAQ qui a été élu. Mais c'est la défaite de Jean-Martin au sein. Option nationale, exactement. Si il y en avait un qui avait une chance de passer pour Option nationale, c'était bien lui. Ouais. Et puis, Dieu sait qu'il s'est démené. En fait, il était très présent sur les réseaux sociaux, d'ailleurs. Est-ce qu'ils sont allés autant voter? Je sais pas. Je sais pas. C'était plus un parti de jeunes, j'avais l'impression. Ouais. En tout cas, ça attirait ça. Donc, voilà pour ça. Champlain, Noëlla Champagne, qui est réélu pour une troisième fois. Ça, c'est ta circonscription. Ouais, ça, c'est la mienne. Ça, c'est la mienne. Et puis, Masquinongé, toi, c'est Masquinongé. Oui. Ben, c'est Jean-Paul Diamond qui demeure député. Okay. Voilà. Donc, encore une fois, les libéraux. Ouais, c'est ça. Certain. C'est ça, exactement. D'accord. Et puis, dans Saint-Maurice, écoute, on va la faire. C'est pas excessivement loin. C'est Luc Trudel qui a été choisi. Luc Trudel qui est péquiste. Donc, voilà. Eh ben, je suis quand même surpris dans les... Oui, vraiment, vraiment. Ouais, écoute, je m'attendais pas à ça du tout. Non. Diamond, tu vois, je m'attendais pas à ça. Ouais. Moi non plus. Et voilà. Donc, pour les élections, c'est ce qui fait le tour de ça. On n'en parle pas à outrance parce que vous en entendez parler partout. Et je crois que si vous écoutez C'est fou, c'est entre autres pour pas nécessairement entendre ce que vous entendez partout. Ouais, mais on vous a fait un petit résumé pour ceux qui sont au courant. Ouais, c'est normal, ça. C'est bien ça. C'est nécessaire même. Voilà, donc, dans quelques minutes, le survol du journal sur le campus et aussi les activités à venir sur le campus. On va parler plus tard dans l'émission beaucoup de l'AGE. Pour l'instant, on se concentre en musique parce qu'à un moment donné, on n'en mettra pas bien le reste de l'émission. Hein? Ouais. On placote. Alors, on y va avec la descente du coude. Voici Simon contre la reine. Est-ce que c'est un commentaire sur la monarchie? Sûrement pas, parce que ça n'a pas vraiment rapport. Hein? Non. La monarchie? Non. Pas de monarchie? Le juge somnole les joueurs adoptent une défense creuse. Condamné rêveux. Le mercure monte, la procure reste libre. Simon contre la reine sur le nouvel album L'Idéal en civière à Assemblage Requis. Moi, je trouve ça vraiment bon, la descente du coude. C'est un de mes groupes. Oui, c'est très bien. Ouais. Maintenant, on va parler un petit peu du plus récent numéro du journal Zone Campus. Zone Campus, offert gratuitement à l'UQTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Zone Campus, un journal qui frappe. Tape-la. Journal sur le campus pour la semaine, en fait la période de deux semaines, c'est allant du 4 au 16 septembre 2012. C'est le premier numéro du volume 8 du Journal sur le campus, 8e année. Et en couverture, on retrouve Ludovic Nadeau qui quitte l'AGE-UQTR. Donc commençons justement en actualité, où on parle des projets, actions et priorités pour l'AGE-UQTR en 2012-2013. Entre autres, on voit le plan du futur pavillon de la vie étudiante de l'AGE-UQTR qui va se situer vraiment à côté de nous autres. Hein? Ouais, ça s'en vient dans le pavillon, là. Apparemment. Donc c'est ça, ensuite on continue avec le vote de non-confiance envers la présidence de l'AGE-UQTR, Ludovic Nadeau qui quitte. Toujours en actualité, la session d'automne 2012, on dit des activités désalcoolisées, des activités moins axées sur l'alcool, c'est ce que avait promis l'actuel vice-président aux affaires socio-culturelles de l'AGE-UQTR, Pascal Goulet, lors de sa campagne électorale, et c'est ce qu'il est en train de livrer pour cette session d'automne. Ouais. Et ça a l'air de fonctionner. D'ailleurs, j'ai vu plein d'initiations hier. Qu'il n'y avait pas d'alcool et puis les gens avaient de l'air quand même à se faire plaisir. Toi, du ginger ale? Ah, je sais pas c'est quoi, là, par exemple. Moi, je remplace ça par du ginger ale. Ben, ça ressemble beaucoup, là, de bien. Ben, c'est ça, puis ça fait des bulles dans le nez. Enfin. Formation du bureau de la réussite étudiante, et de la bibliothèque des formations clés en main pour les étudiants. C'est le BRÉ et la bibliothèque qui offre à chaque année des formations efficaces pour les étudiants. Ateliers, formations en ligne, cours d'appoint, etc. Ensuite, dans son texte d'opinion, Simon Fitzbé nous parle de ces ignobles élections grotesques. Il dit « entre stratégie électorale et vote stratégique ». Donc, c'est un petit texte pré-élection, mais ouais. Il en parle pour après les élections en étant le plus flou possible. C'est intéressant. Ah, d'ailleurs, vous pouvez entendre le texte en pleine face de Simon Fitzbé à Assemblage Requis aux deux semaines. Et ça s'en vient très bientôt. On va commencer avec ça bientôt. Dîner de la rentrée qui avait lieu hier, un accueil chaleureux pour les nouveaux étudiants. Nous étions présents, toi et moi. Oui, exactement. Et d'autres, là, Audrey Tremblay, entre autres, était là avec nous. Et ça a bien fonctionné, malgré qu'il y avait un petit peu moins de monde que l'année dernière. Un peu beaucoup, je trouve. Hein? C'était, l'année passée, je trouvais qu'il n'y avait déjà pas énormément dans la salle. C'était pas plein, tu sais. Cette année, c'est dommage. Je comprends pas vraiment pourquoi. Je sais qu'il y a plusieurs étudiants qui débutent seulement en octobre à cause des trucs qu'il y a de l'année passée par rapport à la grève générale illimitée et tout. Ouais. Bon. Fondation de l'UQTR, premier bilan plus que positif, où on voit ici M. Jacques Bégin, le directeur de la Fondation, aux côtés des panneaux indicateurs de la campagne. Vous les avez vus tout le tour du campus. On voulait atteindre, entre 2009 et 2014, les 20 millions de dollars. Et puis, on a dépassé ça parce que le rouge dépasse la petite ligne. Non, ça va bien. Je pense qu'il n'y a pas de misère. Il reste comme 2 ans. Hein? Ben, 1 an. Okay. Ensuite, certificat en soins infirmiers cliniques. Un nouveau certificat qui sera offert à l'ATSUC. Il y a aussi deux professeurs de l'UQTR honorés... Dans ce numéro-là, dans le fond, du Zone Campus, on en parle. Nouvelle section, nouvelle colonne qu'on appelle en journalisme, hein, parce que c'est emprunté de l'anglais. Columniste. C'est la chronique Game Over de Michael Da Silva. Lui, c'est intéressant. Super intéressant. C'est très, très geek. C'est très, très sujet qui m'intéresse. Là. Il nous parle de l'E3 et les prochains arrivages de jeux vidéo. D'ailleurs, Michael Da Silva va faire une chronique à l'émission Le Dîner de Con avec Danny Janvier. Surveillez ça. Et finalement, comme j'ai dit tantôt, 250 étudiants qui vont débuter le 1er octobre. Avec la grève étudiante, en fait, ils ont pris du retard, ce truc-là. Exact. Donc, merci Mathieu. Du côté de la section Société, Michael Magny nous souhaite la bienvenue, évidemment, à l'UQTR, hein, avec la rentrée. Moi, c'est toujours ce que j'attends. J'attends que Michael Magny t'attends, bienvenue. T'attends de recevoir le bienvenue. C'est ça. Et puis là, tu sens l'air. Ouais. Donc, voilà, c'est fait. Il y a Jean-François Veilleux, d'ailleurs, qui parle aussi des élections, un peu comme Simon Fitzbé, en date où ça a été rédigé, là, évidemment, on connaissait pas le résultat d'aujourd'hui. Mais par contre, on sort beaucoup, beaucoup plus près de la nouvelle cette année avec le Zone Campus. Donc, on essaye. Juste mais juste avec la une. Ben oui. Ça, ça a sorti vendredi, cette nouvelle-là. Ça, là, c'est tout frais, là. D'habitude, on envoyait l'impression de mercredi avant la sortie. Puis, qu'est-ce que j'ai remarqué hier en le donnant au monde? Les gens t'intéressaient. Oui, puis les gens ne savaient pas. On leur a appris la nouvelle, ouais. Et ça, c'est rare qu'on fait ouais. Ça. Non, ça fait du bien. Oui. C'est bon. À la page 17, on reçoit le fantasque. Non, c'est pas vrai, à la page 11, désolé. Et puis, avec les jeux, évidemment, sous le cul, hein, quand on a des cours qui sont un peu plates. Toujours populaire, surtout maintenant. Et depuis que la section jeux, ce sera pas de même à chaque numéro, mais depuis que la section 18, le jeu est en couleur, là. Yeah! Les gens, ils capotent parce que c'est vert à place d'être noir. Hein, ça change tellement, tellement de choses. Et puis, après ça, il y a Sébastien Dulude avec sa chronique Va voir ailleurs, j'y suis. Écoute, on la résumera pas. On l'a écouté hier. Ouais, c'est ça. Il vient nous en parler à chaque lundi, une semaine sur deux. Et voilà. Donc, lundi prochain, il ne sera pas là. Non, c'est le lundi de la sortie du journal, donc dans 2 semaines. C'est ça, exactement. Ensuite, en art et spectacle, merci François, toi aussi, vu que tu me remercies, je te remercie. Je vais te remercier encore. Je pense qu'on n'a pas mentionné les nouveaux chroniqueurs et journalistes. Parce qu'en actualité, on a quelques... Non, c'est vrai, en actualité, c'est Alexandra Carignan temporairement. Oui, c'est ça. Et puis là, pour le prochain numéro, ça va être Maxime Tanguay. Parfait. Donc, il y a une rotation pour l'actualité. Notre journaliste stable en actualité s'appelle Demi Dolbeck. C'est la même que l'année passée. En art et spectacle, là, on retrouve deux nouvelles personnes. Alexandra Carignan, que vous connaissez, entre autres, de l'émission Les Panneurs assez fous, à partir de ce jeudi, 15h. Mais il y a aussi Lisa-Marie Gaudreau et elle nous parle du parti de la rentrée à la Chasse-Galerie parce que la Chasse-Galerie a dévoilé ses grosses rénovations. Là, nouvelle couleur. Oui, couleur. Nouvelle couche de nouveau peinture. Look. Nouveau comptoir, nouveau blend, nouvelle chaise. Comme nouveau stage. Nouveau, c'est le même stage, mais dépeinturé. Ouais, remodeler aussi, enlever la clotte. Je pense qu'ils vont la remettre. Ah ouais? C'est une loi. J'ai pas le choix. Je pense que oui. En tout cas, je m'avance pas trop là-dessus, c'est pas moi journaliste. Hein. Alexandra Carignan ensuite nous parle de la nouvelle programmation de C'est Fou 89.1 FM, la radio campus de Trois-Rivières est la meilleure. Nouvelle saison pour les quotidiennes Assemblage requis que vous écoutez en ce moment et que vous regrettez déjà. C'est entre 7h et 9h du lundi au jeudi. Et Danny Janvier, qui lui est notre bon ami, c'est du lundi au jeudi entre 11h et 13h à partir d'hier. Donc, il vient de commencer sa session. Là, je présente son spectacle de la rentrée. Il y a entre autres Orange Orange. Comme nom à aller voir au pavillon Néré Beauchemin, 22h30, le jeudi 13 septembre. Il y aura aussi la musique celtique des Irish Bastards et le chanteur et DJ Carl Wolf. Et c'est quand même nouveau cette année aussi que deux artistes vont jouer en même temps, mais sur deux scènes totalement différentes. Ils visent en fait deux publics là, totalement différents. Ben, ils font bien, je pense. Oh, oui, je pense que ça va bien fonctionner. Ça reste à voir, mais bon. Ben, exactement. On cherche de nouveaux talents pour 2013 à la troupe de danse Millennium aussi. La Ligue universitaire d'improvisation de Trois-Rivières annonce une année haute en couleurs. Puis pointe du doigt, c'est pas très très poli. Check Maxime Tanguay de pointer du doigt. Hey, ah ouais. Prêt à pour qui? Parlant de Maxime Tanguay, il fait une nouvelle chronique sur les critiques musicales. Il nous critique les albums Four de Block Party et Yellow and Green de Baroness. C'est vraiment très, très, très intéressant. Les critiques. Intéressant, hein? J'adore ça. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu. On avait au tout début du Zone Campus. Il y a tellement longtemps que tout le monde l'avait oublié. ou encore était pas là. Spectacle à venir, une programmation pour tous les goûts. Entre autres, Julien Sagou qui sera en spectacle à la salle Louis-Philippe Poisson le 22 novembre et Alexandre Barrette qui sera au Cégep de Trois-Rivières. Il est drôle, lui. Mais ça. Hein, je l'aime bien. Taxe-payant. Hein? Taxe-payant. Taxe-payant, oh, oui, c'est ça, exactement. Et puis, ben merci Mathieu. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Écoute, au niveau des sports, évidemment, comme on sait, là, les équipes sportives n'ont pas toutes commencé. Donc, on parle vraiment début de saison, des renforts, des recrues, ce truc-là. Et c'est ce que fait Philippe Doucet en parlant des hockey patriotes. Un nouveau Philippe Doucet, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est même Philippe Doucet qu'avant. Au sport, on a renouvelé notre panel aussi. Oui. Là. On a Philippe Doucet et Isabelle Couture. Vrai. Donc, voilà, on parle aussi du début des camps de cross-country. Je sais qu'ils cherchaient des athlètes de haut niveau. Si, des fois, ça peut vous tenter, vous êtes étudiant ici à l'Équateur, bon, allez-y. Ou vous mesurez en haut de 5, ça y est, là, David le faisait, cross-country. Oui. C'est vrai, j'ai vu sa photo récemment des Patriotes, j'étais pas courant. Ça m'a comme, wow, cool, tu sais. Ouais, ouais, moi, non, moi aussi, je l'ai su un peu tardivement, mais bon. Félicitations, David. Ouais. David qui était là avec nous hier. Oui, il y a une chronique qui s'appelle La langue dans ton oreille tous les mardis matin à genre 8h30, je pense. Dans ce coin-là. Ouais. Dans ce coin-là. Soccer masculin, une équipe mature. Donc voilà, on parle en fait un peu début de la saison. Comment est-ce qu'on envisage la saison? Au golf, un athlète, un vraiment très bon athlète. Pascal Garneau, je ne sais pas si tu connais Mathieu, il est venu faire un peu de radio dans le temps avec Nicolas Ducharme et Philippe Doucet d'ailleurs. Ah, ben oui, je replace venu, pas sa face du tout, mais je replace sa voix. Super sympathique, oui. Écoute, c'est vraiment. Et puis, un très bel espoir au niveau du golf. C'est pas ça la chanson, oh Pascal Garneau. Non, ça c'est Marcel Garneau. Marcel Garneau. Proche. pas pire. Écoute, on parle aussi du début des camps pour le soccer féminin. Évidemment, on aborde aussi le 21e Salon des vins des Patriotes. On parle aussi, c'est vraiment tous des camps, le début des camps, le volleyball, le soccer, donc voilà. C'est ce qui fait un peu le tour des sports. Il y a évidemment la chronique de Maxime Bilodeau qui revient cette année, très bonne chronique, d'une foulée à l'autre, qui nous parle en général là, de tout ce qui englobe un peu le sport. Là. Vas-y. Est-ce que je peux t'annoncer une nouvelle assez primordiale dont tu es sûrement au courant? Vas-y. Maxime Bilodeau va être chroniqueur à Assemblage oui. Requis. Oui. La foule est en délire. Ça va être fort intéressant. Alors, ouais. Maxime Bilodeau qui est étudiant ici en chiropratique. Puis il est fin en plus. Il est super bien élevé aussi. Bien élevé. Non, mais c'est vrai. Tu le mets à ta main. C'est ça. Non, c'est pas moi qui l'ai élevé, là. Non? Mais non. Mais je pensais que, tu sais, en étant le big boss on campus du Zone Campus. Big boss on campus. Tu le mettais à ta main. Hey, quand on repassera. Hey, on parle du nouveau entraîneur au niveau des Patriotes hockey. De son prénom, c'est Gilles et son nom de famille, c'est Bouchard. Donc, un Patriote dans l'âme. Lisez ça. Écoute, au niveau des sports, comme je vous le disais, c'est un peu mollo. Et effectivement, ouais. C'est le début des camps. Écoute, on démarre ça sur une bonne lancée. Ouais. Mais ça se lit très bien, même si c'est pas. Ça se lit pas, très bien. Et puis, on se tient au courant, évidemment, pour la saison qui va partir. Là. Une fois que c'est parti, ça va vite. C'est clair. Tu sais, on reçoit vos commentaires hein, par rapport au journal. Tu sais, il y a des gens qui peut-être ont des problèmes de la vue. Un jour, peut-être qu'on leur embraye. Pour l'instant, il faut absolument se le faire lire. Donc, si vous voulez prendre deux copies. Une pour y toucher, vous, en tant que personne de la visibilité réduite, et une copie pour la personne qui va vous lire le journal. Comme ça, ça fait deux copies. Ça peut être une alternative. On est content. Donc, Zone Campus, volume 8, numéro 1, édition du 4 au 16 septembre 2012. C'est disponible en kiosque un petit peu partout sur le campus et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Et aujourd'hui même, dans la journée, sur zonecampus.ca, ça va être fait. Donc, voilà. Zone Campus, parce que c'est vous! Concerne. Ben, Colin, ça a été long. Ah ouais, mais tu me pointais du doigt, puis. Ben, tu me regardais pas. Ben oui, mais. Ça, je te regarde tout. Tu sais, parce que ça vous concerne. C'est ça. Si ça vous concernait pas, on le ferait pas. Witch. Donc, c'est toujours à Assemblage Requis. On se prend une petite pause. On revient juste après avec la chronique d'Anne-Julie Durocher. C'est là. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Sur les ondes de Cifou, vous écoutez Assemblage requis et vous aimez ça. Fanny Bloom et tes bijoux. Fanny, qui est sur le palmarès présentement francophone en position 14 avec Ce que je voudrais, mais elle a joué tout l'été et moi je suis passé à autre chose. T'es un peu tanné. C'est ça, t'sais. Donc, j'aime bien tes bijoux, c'est un de mes préférés. Vous êtes toujours à Assemblage Requis. Maintenant, François-Olivier. Oui, Mathieu Blount. Je sais pas si t'as vu qu'on a quelqu'un d'assez assez spécial en studio. Là. Ça fait, en tout cas, moi, très longtemps que je l'ai pas vu. Là. Oui, effectivement. T'sais? Donc, c'était un des plaisirs d'été, hein, d'ailleurs, de pas se côtoyer. Ben oui. Hein? J'ai côtoyé une semaine au début. C'est pas vrai. Anne-Julie Durocher, comment ça va? Ça va bien, puis vous? Oui, ça va bien, merci. Super. Est-ce que tu trouves qu'on a l'air en forme aujourd'hui? Hein? Hey! Ouais. Rien entendu! Ah, oh, OK, oui. Là, oui. Là, oui. Ouais. Avant, non. Vous venez de vous réveiller, maintenant, comme on dirait. Je sais pas si t'as remarqué, mais je bois du café. Depuis quand? Depuis hier. OK. Hier, pour vrai? Je pense que t'avais commencé. Non, j'ai commencé un peu cet été, okay. Mais tu sais, plus régulièrement hier. Okay. Parlant de régulièrement depuis ce temps-là, je suis ouais, régulier. C'est de l'estomac. C'est... Ouais. Hein? Tu te fais vieux, ça te prend je du café. Je me fais vieux, exactement. Écoute, je pars mes cheveux, je bois du café. Ben ouais. C'est la vie. On passe par là. Ben ouais. Oui. C'est normal, hein? Mmh. On vieillit tous. Ah, je vais enlever ça, Crime. À le micro dans la face. Ouais, c'est ça. Exact. Déjà, tu sais, je suis comme mal pris entre mon fil, mon ordinateur, mon micro. En plus, j'avais un micro dans la face. Puis finalement, l'alarme a arrêté de sonner, fait que t'aurais pu garder ta place de tantôt. Ben oui. Hein? Tu changes de place, pour pas qu'on entende trop l'alarme. T'sais. Ben oui. Bon, sur ce behind the scenes de radio, là, Anne-Julie, cette session, tu reviens avec une chronique, mais différente, parce que l'année passée, tu faisais la chronique de GUQTR. Oui, c'est en plaisir. Et là, c'est Jasmine Raymond-Rainville qui va la faire. Vous avez comme un petit peu échangé vos postes. Dans l'émission. Oui, c'est ça, mais on reste un bon duo, là. Elle va venir tantôt, là. Ben, c'est pour ça qu'on vous a gardé le même jour, même si les commentaires sur Internet n'arrêtent plus, les lignes ne dérougissent plus, qu'on n'aurait pas dû vous mettre ensemble, parce que ça fait trop un free-for-all. Non, c'est pas que ça fait un free-for-all, c'est juste qu'on est un peu énervante le matin. Peut-être. Pour du monde comme qui se réveille sur le ton de notre voix, ben ça peut comme partir mal un peu la journée. Mais nos chroniques sont tellement intéressantes, les sujets tellement approfondis et pertinents. Donc, oui, appropriés. Mais oui, c'est ça. Tout à fait. Et aujourd'hui, tu nous parles d'un livre, parce que ça, tu vas un petit peu varier tes sujets de semaine en semaine. Oui, c'est un mini-mélo de plein de sujets qui... Faut aussi te trouver un nom de chronique. Là. Anne-Julie, Ange-Mélimélo, Ange... Ben, on pourrait faire comme un concours sur Assemblage Requis, puis faire sortir plein de noms, puis le nom qui va avoir le plus de likes va être mon nom de chronique. OK, moi, je vais aller suggérer le Mélomélie d'Anne-Julie à la place de Mélimélo. Oh! Mélomélie. Hein? Mélomélie. T'aimes ça? Ouais, c'est ça. Mais ça va être principalement, on peut dire, culturel. OK. Ouais. Parfait. Je vais parler de livres, de théâtre, principalement, je crois. T'es une fille cultivée et sophistiquée, je trouve. Pour vrai, c'est même pas sarcastique. Oh, non, mais elle aime le théâtre et les livres, François. Oh. Un déclaration compliment. D'amour ici. Hein? De quoi un compliment? Mais non, mais je suis flatté. Hein? Toi, c'est ça. Toi, t'es la personne qui insulte les gens. Moi, je suis fin avec eux. Moi, je suis vrai. Mais là, je t'ai pas encore insulté. Pas là, c'est mon premier matin. Je me garde une petite gêne. C'est ça, commence mon lolo. Mais oui. Ouais. Donc, sujet d'aujourd'hui, c'est ton livre. Oui. Donc, c'est le livre Carré Rouge qui vient d'être publié aux éditions FID. Le 23 août. Donc, c'est récent, là. C'est très récent. Oui. C'est tout récent. C'est tout récent et ça se lit merveilleusement bien et merveilleusement vite. Ça prend à peu près une heure à lire. Oui, c'est vraiment pas. Est-ce qu'il y a beaucoup de photos? Ou... Ben, c'est ça. C'est, en fait, c'est 153 photos. Ah. T'achètes plus ça pour les photos que pour le texte. Oui. Donc, c'est ça. C'est vraiment pour les photos qui ont été prises par Jacques Nadeau, qui est un photographe du Devoir. Puis, mais pas toutes. Toutes. Ben, sauf je voyais... une. Oui, parce que je voyais photographe indépendant. Ça, c'est les textes. Ah, les textes. Un photographe indépendant. Oui, mais parce que il y a un photographe indépendant qui a vu une scène de Jacques Nadeau et il a écrit un texte par rapport à ça. Okay. Donc, c'est ça, Jacques Nadeau, qui est photographe du journal Le Devoir, qui a été, en fait, sur les premières lignes de à peu près toutes les manifestations qui ont eu cours durant le mouvement étudiant. Donc, c'est ça, c'est un livre qui porte sur le mouvement étudiant. Vous vous en doutez bien avec le nom Carré Rouge. Donc, c'est un ouvrage, en fait, pour tous ceux qui ont donné à la cause, mais aussi pour ceux qui désirent comprendre le mouvement de contestation des étudiants au Québec, le mouvement du printemps dernier. Donc, ces images-là, ces photos-là, sont très représentatives du mouvement de contestation, en fait, justement, entre autres parce qu'elles ont été prises en première ligne et véhiculent, en fait, tout un message, autant... on peut voir des photos très joyeuses, mais c'est aussi des événements du 4 mai à Victoriaville qui sont des images ou dans le métro. Oui, c'est ça. Avec la police, les histoires de police. Oui, c'est ça. Tu sais, je dirais pas choquantes, mais qui viennent quand même te chercher, surtout pour le monde qui ont vécu le mouvement étudiant, qui se sont impliqués dans celui-ci. Donc, moi, je trouve que c'est un ouvrage vraiment... qui est très récapitulatif, en fait, à partir du mois de février jusqu'à... je pense que ça va jusqu'au mois de juillet. Donc, juste avant que ça soit publié. Là. Quand même. Ça, donc, ça couvre vraiment une bonne période du mouvement de contestation. Ensuite, on parle des photos qui sont vraiment belles et remplies de couleurs. Et de... Ah, c'est vraiment, pour vrai, là, c'est extrêmement bien fait. Oui. Et c'est vraiment dans le feu de l'action. Oui. Tu te sens impliqué quand tu regardes ça. Oui, oui, c'est ça. Tu peux pas ne pas te sentir touché, en fait, par les images. Que tu sois pour ou contre le mouvement étudiant, je pense que n'importe qui va regarder les images vont se sentir interpellé. Je pense que oui. Surtout n'importe quel Québécois, en fait, parce que je pense que partout, dans tous les foyers, le mouvement de contestation, la cause, la hausse des frais de scolarité a été discutée. Oui, ouais, c'est ça. Il y a eu une discussion au moins. Tout le monde a une opinion là-dessus, qu'elle soit positive ou négative. Ça laisse rarement les gens indifférents. Non, c'est ça. Je pense que tout le monde a eu à en parler. Donc, c'est ça. La préface est signée de Jacques Parizeau, qui nous replace qui nous replace dans le contexte de la grève, mais qui nous fait aussi réfléchir sur le concept de victoire du mouvement étudiant. Parce que donc, peu importe le dénouement de cette crise-là, crise que, en passant qui n'est pas terminée malgré les élections. Mmh. Parce qu'il faut comprendre que le gouvernement, on a un gouvernement péquiste, donc vous en avez discuté ce matin. Minoritaire. Oui, minoritaire, mais qui propose quand même une sorte d'indexation. Donc, une indexation est quand même une augmentation des frais de scolarité. Donc, le mouvement n'est pas terminé. Il y a pas, on peut pas dire que victoire ou défaite des jeunes étudiants qui ont manifesté depuis des mois. Mais donc, c'est ça, ça nous fait réfléchir justement sur ce concept-là de victoire. Parce que, peu importe comment ça va se terminer, c'est sûr que les jeunes ont quand même eu une certaine victoire à travers ça, parce qu'on aura vu les jeunes se lever puis faire preuve vraiment de solidarité. Puis c'est quelque chose qui avait été pas vu, en fait, au Québec depuis déjà plusieurs années. Donc déjà pour ça, on peut dire que le mouvement étudiant a une victoire à son compte. Oui, tout à fait. Donc c'est... tout à fait. Mais je pense que dès la première journée, ça n'a jamais été question d'être une défaite. Tu sais, dans le sens où tu peux pas sortir vraiment... Sans, même s'il n'y a pas vraiment de résultat. Juste le fait de te lever debout. Oui, c'est ça. Et puis, il y a eu une belle réponse, en fait, du public. Et puis, écoute, on voit, d'ailleurs, même dans le livre, là, que tu parlais des messieurs d'un certain âge, des personnes de tous les strates là, de la société. En fait. Non, c'est sûr, que ce soit dans les photos, puis même aussi au niveau des textes, parce que oui, les photos sont accompagnées de textes. Puis ces textes-là, en fait, sont signés de vraiment plusieurs personnes, autant des personnalités publiques comme par exemple Michel Arsenault, qui est le président de la FTQ, Fred Pellerin, qui est un conteur surtout très connu au Québec, mais aussi en Mauricie parce qu'il vient d'ici. Il y a Biz de Locolocas, Jean-René Dufort, Guy Lepage, Gabriel Nadeau-Dubois. Jean-René Dufort? Oui. Qu'est-ce qu'il dit? Ben, il écrit un beau petit texte d'une page et demie. Je l'aime bien, lui. Oui, donc c'est ça. Il y a aussi Béatrice Vaugrand, qui est la directrice générale d'Amnesty International Canada. Il y a des médecins qui ont écrit dans ce livre-là, des journalistes, des pères, des mères, des citoyens. Il y a entre autres des citoyens de Trois-Rivières qui ont rédigé dans ce livre-là. Qui? On les connaît-tu, là? Je les connais pas. Okay. Il faudrait que je retrouve le nom. Je pourrais vous revenir avec ça. Mais il y a aussi, c'est ça, il y a... Julien Villeneuve, qui est mieux connu sous le nom de Anarcho Panda, ce professeur du collégial. Ah, c'est un prof? Oui. Je sais même pas. Un professeur du collégial. Lui, était plus au niveau de Québec, hein? Non, plus principalement au niveau de Montréal, mais il a été vu vraiment dans toutes les grandes manifestations. On a pu le voir autant à Québec qu'à Montréal, là, en fait. Là. À Québec, c'est principalement Banane Rebelle. Ah, OK, c'est ça, non, je les mêle. Oui, c'est ça. Okay. Donc, c'est ça. Il y a aussi, c'est ça, des professeurs de l'UQTR qui ont écrit dans ce livre-là. Il y a des députés, il y a des étudiants aussi qui signent des textes. Puis tous les textes sont vraiment remplis d'émotions. Là, je dois vous avouer que j'ai versé une petite larme, moi, en lisant ça, parce que c'est un mouvement qui vient vraiment me chercher. Ouais. Je pense que personne peut rester indifférent parce que tous racontent un peu comment eux ont vécu le mouvement, leur vision, la vision de la jeunesse, la vision du Québec. Parce que oui, principalement, ça parle du mouvement de contestation des jeunes, mais bien sûr, on parle du 22 avril, qui était le jour de la Terre, où il y a eu, je pense, 250 000 personnes dans les rues de Montréal, ce qui est impressionnant, là. Donc, c'est vraiment... ça tourne beaucoup, bon, bien sûr, autour du gouvernement libéral de Charest, de la loi 78, la loi Matraque, qui a été dénoncée de tous. Mais c'est ça, donc, il y a vraiment plusieurs personnes qui portent un regard sur le mouvement étudiant. Donc, c'est vraiment intéressant à lire. Puis, c'est ça. Puis ensuite, ben moi, en fait, je recommande ce livre-là principalement à tout le monde, tout citoyen, en fait, qui est intéressé à comprendre ou qui a vécu le mouvement de grève, parce que ça reste quelque chose d'historique au Québec. On ne sait pas encore les répercussions que ça va avoir dans 10, 15 ans, ou même dans 5 ans, mais on le sait que ça va avoir marqué le visage du Québec. Donc, je pense que c'est un bel ouvrage qui nous permet de se souvenir. Ben, c'est ce que j'allais te dire, en fait, c'est que c'est un livre vraiment qui est là pour te rappeler des souvenirs. C'est un livre que, mettons, tu l'achètes, il va rester sur ta table, tu vas le regarder une fois de temps en temps, mais tu sais, il va rester là, puis c'est comme juste pour te rappeler des souvenirs. Mais c'est ça, donc, vraiment, là, le monde qui veut bien se rappeler de comment ça s'est passé, le mouvement, surtout en première ligne, comme j'ai dit, parce que le photographe, c'est vraiment... vraiment aller loin là, dans les manifestations. Entre autres, à un moment donné, c'est fait... Il y a justement le journaliste indépendant que tu parlais, là, qui a écrit un texte. Ouais. Lui, il raconte en fait comment le photographe Jacques Dado, il s'est fait chahuter par un policier à cheval. Oui, police montée. Police montée, pas mal. Oui, c'est ça. Donc, il s'est fait vraiment chahuter par ça, puis il raconte comment que ça s'est passé. Donc, on voit que tu sais, il y a eu les gaz lacrymogènes, les bombes assourdissantes, tout ça. Il a tout vécu comme n'importe quel manifestant. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis, je trouve que les photos sont très, très, très représentatives. Puis, il ne coûte pas très cher. Combien? J'essaie de me souvenir combien je l'ai payé. Ben, c'est ça qui est bien. Si le livre n'est pas cher, c'est bon, parce que sinon, tu sais, je trouve que c'est un livre que tu vas... Pour ceux qui veulent se souvenir, oui, il l'a regardé plusieurs fois, mais la plupart des gens, peut-être qu'une fois l'avoir d'être passé au travers, c'est pas mal fini pour ce livre-là. C'est ça. Je l'ai acheté dans une librairie, je crois que c'était une trentaine de dollars. 24,95. Ah, 24,95, hein? Même pas 30 dollars. Non, c'est ça, c'est bien. C'est pas si mal. Puis, tu sais, il l'a aussi à la coop ici de l'université. Ah, il l'a à la coop, c'est ouais, parfait, ouais. Ça. Donc, je recommande ça à tout le monde, ou au moins aller le feuilleter. Exact. Si vous voulez pas l'acheter, là. Parce que, bon, c'est pas tout le monde qui l'a vécu, puis il y a un sentiment, si on veut, d'appartenance à ce mouvement-là. C'est tout le monde qui va verser une larme en le regardant. Non, pas comme moi. Mais moi, un des seuls points négatifs que je dirais, là, je le vois dans tes mains, donc je peux proportionnellement regarder, là, parce que de loin, je me rendais la grandeur. Ah. Je trouve que pour un livre de photos, il est pas un petit peu petit. Parce que moi, j'aime toujours voir des photos sur Internet avec des petits grands écrans. C'est pas... Non, c'est un bon format, je trouve. OK, parfait. Ouais. Sincèrement, écoute, tu sais, les photos peuvent être sur deux pages. Ah, ça, j'aime ça. Pas toutes, là, mais... OK, j'aime bien ça. Sinon, je me demandais pourquoi que le livre s'appelle Carré rouge et que c'est pas lui-même un carré rouge. Parce qu'il est carré, le livre, mais il est pas rouge. Oui, il est carré, mais c'est une belle photo, en fait, de la... émeute, on peut dire ça. C'est une émeute, là, à Victoriaville, hein? On va se le dire. On va appeler un chat. Oui, oui. Donc, c'est une photo de l'émeute à Victoriaville. On voit un jeune homme avec sa veste rouge qui renvoie, dans le fond, aux policiers. Je crois un gaz lacrymogène. Oui, gaz lacrymogène. Puis on voit aussi, bon, en arrière, un drapeau patriote avec une grosse banderole rouge où les jeunes ont de la misère à la tenir. On voit que ça brasse. On voit, justement, entre autres, sur le balcon à l'arrière, un citoyen qui regarde de chez lui puis qui a l'air de pas trop comprendre. Non, j'ai pas vu. Mais il faut vraiment que tu regardes dans le fond, là, parce que moi, j'ai pris le temps de bien analyser toutes c'est les détaillé, photos. Ouais, c'est ça, exact. Donc, c'est ça, tu vois un citoyen à l'arrière, tu vois aussi du monde qui filme. Donc, on voit que c'est tout le ça monde brasse. Un regard un peu... pas quasiment abasourdi, en fait, de voir ça au Québec, là, parce que... C'est plus grand que nature. Oui, c'est ça, on n'est pas habitué de voir des images comme ça au Québec, là. C'est pas quelque chose de commun, là. Mm-hmm. Merci, là. On ne souhaite pas ça, là. Non, c'est ça. Mais c'est ça, fait que l'image est très, très représentative du mouvement étudiant, représentative dans un sens, mais en même temps, on peut pas dire qu'il y a eu des actes de violence comme celle de Victoriaville, là, non plus, là, lors de toutes les manifestations. Donc, ça ressemble à ça. Donc, je vous conseille vraiment de vous le procurer, toute personne impliquée dans le mouvement étudiant. Puis, c'est ça. Cool, c'est impliqué, impliqué ou non. Je pense qu'un livre comme ça, écoute, j'offrirais ça à ma mère. Elle serait ravie. Non. C'est le genre de livre qu'elle aime. Ah, non. C'est cute, hein? C'est cute. Mais c'est comme... C'est pas sa fête, fait qu'elle l'aura pas. Mais tu sais, c'est comme la... Je vais faire une comparaison un peu poche, là. Mais il y a eu la crise du verglas, là, au Québec, là. Effectivement, c'est poche. Bon, ma comparaison. Mais tu sais, il y a eu plein de livres de photos parce que c'est un événement important. C'est vrai. C'est pas du tout la même chose. Je ne veux pas comparer le mouvement étudiant à la crise. Elle t'en parle déjà, ses commentaires, oui. Mais... Non, mais... c'est une page de notre histoire, de l'histoire du Québec. Donc, c'est important de s'en souvenir, de ne jamais oublier. Puis, ça fait partie de l'histoire. Donc, faut regarder les photos, les images. Puis, aussi se rappeler de qu'est-ce que ça peut donner. Tu sais, on pensait pas, je pense, personne qui s'est impliqué dans le mouvement étudiant, de un, que ça durerait aussi longtemps. Oui. Puis, ça aurait l'air de ce que ça a eu l'air. Avec autant de manifestations, les citoyens se sont impliqués là-dedans. Donc, c'est aussi ça, là. C'est devenu vraiment gros. Ouais. Puis, c'est important de dire, par exemple, que la lutte n'est pas finie. Non. Donc, mais c'est ça. Là, était ma question. D'ailleurs, je trouve ça peut-être un peu rapide pour lancer un livre comme ça. Il va sûrement y avoir un deuxième livre, j'imagine. Mais les élections ont eu lieu hier. Écoute, ils ne savaient pas là, si Charest aurait rentré quand même. Au moins une deuxième édition du premier. Mmh. En tout cas, si Charest était rentré hier, peut-être que ça aurait juste comme craqué encore plus les étudiants. Ah, c'est sûr. Parce que justement, ça vient vraiment toucher notre fibre de militantiste. Donc, ça l'aurait peut-être juste eu cet effet-là. Mais c'est sûr qu'il va en avoir d'autres qui vont sortir, d'après moi, au cours de l'année. Il y en a déjà un autre, je me souviendrai, qui est sorti. Je risque de vous en parler lors de ma prochaine chronique parce que je ne l'ai pas terminé, livre. Donc, c'est pour ça que je ne vous en parle pas aujourd'hui, mais qui est très intéressant aussi. Puis, sinon, dans un an, dans quelques mois, ça va faire un an. Puis, je pense que c'est important dans un an de regarder encore ces images-là, ces photos-là, ces textes-là. Pour nous rappeler, en fait, que les jeunes se sont levés au Québec, puis ça s'est passé. C'est Carré Rouge de Jacques Nadeau. Oui! Le livre que tu nous suggères. Anne-Julie, est-ce que je peux encore te complimenter? Ouais. Je trouve que tu as fait une très bonne chronique aujourd'hui. Oh, c'est fin. Pour vrai. Je suis content de te voir dans un cadre autre que la chronique de la GE. Pas que j'aimais pas la chronique de la GE et que Jasmine ne fera pas un bon travail, mais c'est le fun de te voir que tu as d'autres passions dans la vie que la GE. Mais oui, mais bon, c'est encore même un lien avec la GE. Ça a tout à fait un rapport, exactement. Donc, Anne-Julie Durocher, merci. Merci beaucoup. Et merci à vous. Bon matin. Bon matin et bonne énergie matin. De Waha Ninja. C'est Danny Jean-Vie qui fait le ninja dans le journal. Bon. C'est fun. Ouais, nous autres, on n'est pas des ninjas, on se regarde avec une face de bœuf. Ouais. Parce qu'on est c'est pas ma meilleure photo, mettons. Ben oui, et drôle. Hey, comment? J'ai l'air un peu raisin. OK. Donc, on retrouve Anne-Julie Durocher tous les mercredis vers les 7h45. Pour l'instant, on écoute Caravan Palace avec une pièce de leur album Panic. Voici The Dirty Side of the Street. The Dirty Side of the Street par Caravan Palace sur leur album Panic à Assemblage Requis. Ça, c'est un des succès de l'été, un succès monstre. En fait, moi, c'est dans mon top de l'année. Top 3? Passée. Top 10, mettons, top 10. Que j'ai fait. C'est pas mal le top 10. Donc, Caravan Palace, tout le monde adore. Dans quelques minutes, Assemblage Requis, la deuxième heure commencera et Jasmine Raymond-Drainville sera avec nous pour nous parler des activités de l'AGE. Veux-tu nous donner un avant-goût de ce qui s'en vient tantôt? Partez de la rentrée le 13 septembre. Et comme toute mobilisation. Surtout le comité de mobilisation le 11. Oui, oui, c'est voilà. Important ça. Et Julie va rester avec nous aussi. François va être là, moi je vais être là. Puis c'est ça. C'est ça. Puis moi? Ben Jasmine, on ça, c'était évident, là, je pensais. Oui. C'est ça. Les requins aussi, c'est ça. Puis le service aux étudiants, hein, François? Oui, service aux étudiants. Je vais être là. Oh. C'est assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Assemblage Requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Toujours à Assemblage Requis en ce mercredi 5 septembre 2012. Lui, c'est François-Olivier Marchand. Et lui, c'est Mathieu Plante. Oui, Anne-Julie Durocher toujours là. Oui. Oui, tout le monde capote. Oui. Un peu de pep, là, ce matin. Un peu de pep. Ben, on n'a pas le choix. Écoute. Hey, on n'a jamais assez de pep pour Anne-Julie. Jamais, jamais. À chaque fois, c'est « Oh, le domaine est plat ce matin, les gars. » Hey. Un peu déçu, par exemple. Hein? On n'a pas eu de surprise ce matin, Mathieu. Des petits gâteaux, des biscuits, non. Des choses comme ça. Hey, en plus, j'en ai des gâteaux. Je vais venir vous emporter tantôt. Cool. Ouais. Un peu en retard, mais bon. Mais c'est pas moi qui les ai faites, là. C'est quelqu'un qui les a laissés dans mon bureau, mais ils ont l'air bons. Bon. Bon, on va prendre tout ce que tu nous donnes. On accueille Jasmine Raymond-Drainville. Ouais, ça, c'était pas dans ce sens-là, on se comprend. C'était un peu bizarre, c'est mais bon. Est-ce que... c'est donc, Mathieu. Jasmine Raymond-Drainville avec sa chronique AGEQTR et ça me donne envie de chanter. AGEQTR, AGEQTR, AGEQTR, peu importe ton âge, tu t'en vas à l'AGEQTR parce que l'AGEQTR, ça n'a pas d'âge. Yo, pro, pro. Tu pensais qu'on n'utiliserait plus ce thème-là, hein? Je l'avais oublié. Ben oui. J'avais aussi oublié à quel point on était un orchestre mauvais, fantastique. Ah oui, fantastique. Tu vois, Anne-Julie est négative encore une fois. C'est merveilleux, voyons. Ben, moi, je trouve que Jasmine était très bonne, ouais. Là. Puis le bra-bra de F.O. était vraiment excellent. Oh, wow. Mon yo à moi. Ben oui, aussi. Mais la chanson... Ben, qu'est-ce qui était mauvais, d'abord? Ben, moi. Ah, on t'entend pas, moi. T'étais où là-dedans, toi, premièrement? Ben, je pense que je faisais du xylophone ou de la tambourine, je sais pas quoi, un instrument. Donc, pour ceux qui suivent pas, c'était le thème d'Anne-Julie l'année passée parce qu'elle faisait la chronique de l'AGE. Mais là, Jasmine, tu reprends le flambeau. Mais ma chanson thème de l'an passé était meilleure que ça. Ouais, mais c'était une thème. Elle était vraiment bonne. Elle était très bonne. Ouais, mais c'est moi qui reprends. Too bad. Les chroniques de l'AGE. Ouais. On est bien content d'avoir quelqu'un de l'AGE pour nous parler. Donc, de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? On parle de l'AGE en général. Pour les nouveaux étudiants qui pourraient nous écouter, en fait, je vais décrire un peu en quoi ça consiste, les services qui sont offerts, les activités aussi un peu qui vont avoir lieu durant le mois. Donc, pour que les étudiants puissent avoir une idée un peu générale de c'est quoi l'AGE? Pourquoi je paye une cotisation à l'AGE? Donc, voilà. C'est une bonne question quand même. Ben oui. C'est important pour les nouveaux étudiants, mais aussi pour ceux qui pensent que l'AGE fait juste tomber en grève, tu sais. Ou que, c'est ça, qui ne savent pas, mettons, que la chasse-galerie, c'est l'AGE. Il y en a qui ne savent pas ça. Donc, démêlons tous ces bourgeons ce matin. Bonne idée. Oui. Donc, en fait, l'AGE, c'est l'Association générale des étudiants de l'UQTR. Puis, l'association est là pour aider, représenter, défendre les étudiants, puis promouvoir leurs projets, s'il y en a, parce qu'on veut qu'il y en ait. Donc, c'est ça. Il y a différents services qui sont offerts aux étudiants pour faciliter puis améliorer le cheminement universitaire, parce que c'est bien plus agréable quand on n'a pas juste des cours. Les bureaux de l'AGE sont au 1001B du pavillon Néré-Beauchemin, ce qui est juste derrière la chaise-galerie, qui est un bar que tout le monde connaît ou que tout le monde va connaître prochainement. Et c'est quand même bien identifié aussi. Là. Vous avez une banderole. Bon, on a une belle banderole, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, lorsqu'on sort de la chaise-galerie pour aller au 10-12 ou pour aller aux toilettes, c'est à gauche, il y a une grosse bannière. Puis nos bureaux sont là. On a aussi un comptoir de service au local 2218 du pavillon Albert-Tessier. Là où il y a des grillages là, en fin de journée ou très tôt le matin. C'est devant la cafétéria. Oui, devant la cafétéria. Ça, c'est ouvert, là. C'est ça. Oui. Ouais. En ce moment, est-ce que c'est ouvert? Pas à 8h. Mais en fait, on y vend des agendas cette semaine. Okay. Puis sinon, il y a des officiers qui vont y assurer une permanence à toutes les semaines. Parfait. Que ça puisse être ouvert. On y vend des agendas, des tasses. Il y a des formulaires de réclamation d'assurance dont je vais parler aussi qui sont distribués là. Puis les autobus aussi, je crois? Non, les autobus, c'est non, c'est rendu le centre du service. OK. Qui émet les vignettes puis les petits autocollants pour les autobus. Puis le 22-18, c'est aussi le bureau de deux des officiers, dont les deux vice-présidents aux affaires académiques, donc de premier cycle et de cycle supérieur. OK, donc c'est tout à les mêmes postes qui sont là, c'est pas genre ceux que ça vous tente pas d'avoir dans vos bureaux. Non, c'est les deux académiques parce qu'ils ont des cas étudiants à traiter des fois, donc ils ont besoin d'un espace plus fermé parce que c'est des dossiers qui sont confidentiels, ouais. Donc ils peuvent pas être dans un bureau à air commune comme on a ici derrière la chaise-galerie. Donc j'ai parlé d'assurance. Tous les étudiants sont inscrits automatiquement aux assurances de la GEQTR. Les étudiants internationaux, c'est seulement les soins dentaires, mais pour l'ensemble des étudiants, c'est soins dentaires et soins de santé. Évidemment, ça inclut les yeux, la vue, hein? Ben, les yeux, chiro, physio, masso, plein de choses. Aussi les services de psychologie aussi. Puis en fait, ils remboursent 20$ par rendez-vous jusqu'à concurrence de 400$. Donc, ça, c'est bien, ça. C'est quand même très, très, très bien. Oh, ça vaut la peine. Puis les assurances, pour ceux qui les... Il y en a qui ne veulent pas, évidemment. On peut l'annuler. Oui, on peut l'annuler. Okay. Mais comme j'ai dit, tout le monde y est inscrit automatiquement. Il faut aller sur le portail étudiant, dans la section info personnelle. Puis là, il y a une petite ligne cliquable là, où c'est mon régime de soins de santé et de soins dentaires de la GE. On clique là-dessus. Une ligne cliquable, ça s'appelle, c'est genre un hyperlien. Un hyperlien, là, ouais, je cherchais. J'étais là, c'est pas un onglet. Ça doit être un moins qu'une ligne en dessous. Non, c'est ça. Qu'on peut cliquer. Donc, un hyperlien, c'est ça. Parce que j'allais dire le mot onglet, mais ce n'est pas un onglet. Et l'inverse, voilà. C'est aussi vrai aussi. Ouais. Si on a enlevé les assurances, on peut les reprendre. Ben oui. Mais mettons quelqu'un qui voudrait enlever ses assurances, c'est quelqu'un, mettons que c'est peut-être. Avec leur copain ou leur copine, ils ont un gros plan d'assurance ou quelque chose de commun ou quelque chose de gros. Oui, comme moi, mettons, mes premières années, j'étais avec mes parents. Tes parents, c'est j'ai annulé. J'ai annulé mes assurances parce que c'était plus avantageux avec mes parents, ça couvrait plus. Puis, mais sinon, c'est quand même. C'est quand même très intéressant pour ceux qui en ont pas, là. 400$, c'est beaucoup. Ouais. Surtout, tu sais, juste le chiro aussi à l'UQTR, là, pour un étudiant, c'est 20$ le rendez-vous, fait que c'est comme 100% remboursé. Oui. Jusqu'à concurrence de 20 visites. T'en plais ça. Un calcul rapide, c'est ce que je fais. Fait que c'est très intéressant. Comme j'ai dit, les formulaires de réclamation sont disponibles au comptoir de service, puis sinon sur le site de la GE, qui est le www.ageutr.org. Puis c'est ça. Hein? Sous l'onglet assurance. Oui, c'est à droite. Vous cliquez sur assurance. Vous pouvez même aller... Il y a un hyperlien. Donc, j'ai utilisé le mot hyperlien. Il y a un hyperlien aussi pour aller sur le site du groupe financier majeur qui est l'assureur. Puis pour vos questions d'assurance, je vais juste compléter. Oui. Faut appeler le groupe financier justement majeur, c'est eux qui traitent toutes les demandes. Vous voulez ajouter un conjoint, un enfant, vous avez une question, vous voulez savoir s'ils remboursent, je sais pas là, les plombages par exemple. Ben c'est écrit sur votre site par exemple. Oui, c'est ça. Mais si maintenant vous trouvez pas une information, vous avez un soin particulier, appelez. Une sorte de plombage bien spécial, s'il y en a des nouveaux là, ces nouveaux genres. Surtout pour l'ajout de conjoint est comme très populaire là, c'est des questions qui nous reviennent souvent, donc vous référez directement chez Major, puis c'est eux qui vont pouvoir répondre le plus facilement et avec le plus de clarté. Et comme dirait non, je ferais pas cette blague là, ça serait pas correct. Ben vas-y là. Non. On veut savoir. Non, quand il dit ça, on passe à autre chose. Okay, mais t'as pas tantôt parce que tu peux pas comme couper ça en plein milieu de même, c'est super plate. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est plate. Ok, je vais la faire, mais prenez pas ça personnel. Comme dirait le slogan de Major, ils vous enverront pas promener. C'est pas Major. Oh! Bon. C'est ça, je disais. Bon, donc, tantôt, j'ai dit que les bureaux étaient situés derrière la chasse-galerie. Oui. Ouais, c'est ça. Donc, ils n'ont pas changé de place? Ils sont derrière la chasse-galerie, non. OK. Parlant de chasse-galerie, justement, c'est pas juste un bar. En fait, le soir, c'est un bar, évidemment, avec de l'alcool à des prix très bas. Donc, il est pas mal plus bas que partout en ville, en fait. Puis, le jour, c'est un endroit très agréable où on peut aller étudier et consommer du café équitable, pas mal meilleur que chez Sodexo. Oh! Donc, à la cafétéria. Commentaire. Non, c'est vrai, il est équitable, puis il est comme vraiment meilleur. Ouais. On va se le dire, il est meilleur. C'est vrai. Bon, c'est ça. Mmh. Puis, encore meilleur qu'au Tim Hortons aussi. Sauf si on peut le dire, c'est ça. Ouais. Donc, café de la chasse-galerie, allez-y. Tout c'est vraiment fait. Bon. Si vous voulez ça, c'est ouvert quand? La chasse-galerie est ouverte quand? Je sais qu'elle fermait le vendredi. C'était pendant l'été, ok. Oui, donc là, parce qu'on faisait des travaux, okay, ouais. Okay. On a une nouvelle chaise-galerie toute belle, toute c'est rénovée. C'est super beau. Nouveau comptoir, nouvelle chaise, ouais. Table, peinture. Les murs, les banquettes. Décaper le stage, la scène. Ouais. Oui. Donc, allez voir la nouvelle chaise-galerie, puis c'est ça, c'est ouvert de 7h à 3h du matin, parce que c'est un bar. Cool. Du lundi au vendredi. Et la fin de semaine, je ne connais pas les heures exactement. Mais ça continue. Ouais, oui, je vous reviendrai là-dessus la semaine prochaine pour les heures d'ouverture, les fins de semaine. Puis, parlant de café aussi, tu sais, à la cafétéria, vous pouvez pas avoir de cappuccino puis d'espresso, mais à la chaise-galerie, oui. Ah, et des cafés et des mochas, moi, des puis des chocolats chauds pas en poudre aussi, ce qui est comme meilleur que du chocolat chaud en poudre. Mais, Jasmine, j'ai une question pour toi. Vas-y. Est-ce qu'on peut manger à la chaise-galerie? On peut manger à la chaise-galerie. Vous pouvez même amener votre lunch, mais sinon, il y a des excellents sandwichs qui sont servis sur l'heure du midi qui proviennent de chez Olivier Papaye, qui est un traiteur au Cap-la-Madeleine. C'est vraiment super bon. Si vous n'avez pas encore essayé ça, vous devez l'essayer. Non, ils sont vraiment, vraiment bons. On a même un. Bon, ça. On a chacun nos préférences dans les modèles de sandwich. C'est ça, mais ils sont vraiment excellents. Puis, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, ben en fait, la chaise-galerie, ce qui est le fun avec ça, c'est que son but, c'est pas de faire de l'argent sur le dos des étudiants. Au contraire, là, chaque dollar qu'un étudiant investit dans la chaise-galerie, ben débourse, en fait, ben, ça lui revient. Oui. Ça revient puisque c'est à la GE. Donc, c'est un service vraiment aux étudiants. Puis, lundi soir, il y a de l'improvisation. On a vraiment une bonne ligue ici à l'UQTR. Les chansonniers aussi, je pense, après. Oui, il y a le chansonnier aussi après. Le mardi, c'est le très populaire karaoké. Le mercredi, parfois, il va y avoir des soirées thématiques au 10-12 du pavillon Néré-Beauchemin. C'est encore sur une base à annoncer à chaque semaine, là, le 10-12. C'est pas ouvert à toutes les semaines? Ce sera pas toutes les semaines, mais tu sais, au moins une fois par mois. Là. Bah. Le calendrier reste à déterminer, mais. C'est ça. Mais juste pour ça, le site Internet, il est super complet. Il est mis à jour très régulièrement. Puis la page Facebook aussi de la GE. Donc, AGE UQTR en deux mots. AGE espace UQTR tout en majuscule. Puis en suivant ça, vous allez pouvoir être au courant. Puis aussi, tantôt, j'ai parlé des deux vice-présidents aux affaires académiques. Bien, la GE UQTR, c'est aussi du soutien académique. Si, parce que, ben être étudiant, c'est aller à l'école. Hein? Bon. Donc, pas juste passer du temps à chaise-galerie. Non, sais. C'est ça. Bien que ce soit très intéressant. Ouais. C'est ça. Ben, en fait, les deux vice-présidents aux affaires académiques sont là pour accompagner les étudiants. S'il y en a qui ont un problème avec un chargé de cours, un prof. Révision de notes. Oui, révision de notes. S'ils ne sont pas à l'aise avec un élément d'un plan de cours, avec un règlement de l'UQTR, ben, les deux VP aux affaires académiques sont vraiment là pour ça. Puis, comme j'ai dit, eux, ils sont leur bureau est au 2218 du pavillon Albert Tessier. Et c'est qui, là, les VP académiques? De premier cycle, c'est Mathilde Loisel-Davidson. Okay. Puis au cycle supérieur, il a été élu en élection partielle, c'est ça, le 26 août en conseil d'administration. C'est Louis-Serge Gill, un étudiant au cycle supérieur en lettres. Donc, c'est lui qui a été élu le 26 août. Okay. Il rentre en poste le 1er septembre. Donc, juste attendre pour le rush de la rentrée. Mm-hmm. Mais je vous mets au défi, ils sont vraiment excellents, nos VP académiques, de leur poser une question sur un des règlements. Ils peuvent tous sortir la réponse dans un claquement de doigts. Ils sont assez doués. Donc, si vous les croisez, posez-leur des questions, vous allez voir. François, on se fait un quiz à radio là-dessus. On peut essayer. Je pourrais vous organiser ça. Non, ils sont vraiment, ils connaissent tout, là. Tout par cœur. Tant mieux. Ensuite, on va y aller en rafale. La GE offre un service de location de barbecue. Donc, vous pouvez contacter. Pour les assos? Oui, pour les assos, c'est ça. Je peux pas louer un barbecue de l'amener chez nous. Là. Non, en fait. Est-ce que c'est ça qui est enchaîné au rack à baisser, là, tu me penses? Non, c'est pas celle-là. Okay, on sait pas, il est acquis. Il est là depuis le début de l'été. Hey, on se demande, il est acquis. Non, c'est ça. Donc, vous pouvez contacter Mathieu Roy, qui est le vice-président à la vie associative et à l'environnement. Vous pouvez trouver son courriel sur le site web de la GE, www.ageuqtr.org. Puis, c'est lui qui s'occupe de la réservation de barbecue. Puis, je pense qu'en fait, il y a un dépôt de 50$ à remettre. Un dépôt de 100$, je pense, à remettre. Là, je vous reconfirme le prix. Dans une petite caisse. Et puis, Des frais de 5$ de location. Sauf que ça marche vraiment en gros. Là, surtout en début d'année comme ça, les mardis soirs, c'est super populaire. Donc, faire des hot dogs. Il y en a qui font même des grilled cheese. Là, c'est vraiment une bonne idée. Mmh. Les assos font de l'argent avec ça. Hein. Oui, c'est vraiment très le fun. Ensuite, tantôt, je vous ai parlé du party de la rentrée. C'est le 13 septembre à 22h. Mmh. On reçoit Orange, Carl Wolf et puis Irish Bastards. Ce dernier groupe-là va se produire à la chaise-galerie, les deux autres au 10-12. Le party de la rentrée à chaque année attire plusieurs centaines d'étudiants. C'est super populaire, c'est gratuit pour les étudiants lorsqu'ils présentent leur carte. Sinon, c'est 10$, mais ça vaut vraiment la peine. Là, c'est tout le temps un super bon show. Ensuite, Assemblée générale annuelle, je vais vous en reparler. Mais tout de suite, notez la date à l'agenda. Là, s'il y a des étudiants qui écoutent, c'est le mercredi 3 octobre. C'est à midi au 10-12 du pavillon Néré-Beauchemin. C'est super important d'y être parce que vous payez pour être membre d'une association. Donc, vous pouvez décider de ce qui s'y passe. Donc, ne laissez pas les autres décider pour vous. Et là, ça va être quoi les grands enjeux, peut-être? Assemblée générale annuelle, c'est... On adopte les budgets. Ben, c'est les états financiers, c'est la présentation du conseil exécutif, okay. Les priorités, les grandes orientations, en fait, de l'AGE pour l'année. C'est aussi... c'est plein d'autres choses. Là. Il y a aussi... Moi, je vais faire une rectification là, suite à mon poste parce que vous avez tous reçu, étudiants de l'UQTR, étudiantes de l'UQTR, un courriel sur la loi 78... projet de loi 78 nommé loi 12, là, parce que ça change de nom une fois qu'une loi est adoptée, disant que la loi allait être traitée en Assemblée générale, en fait que la GE allait se positionner. Au dernier conseil d'administration, le conseil d'administration est revenu sur cette position-là, donc on n'en parle pas finalement en Assemblée générale. OK. Fait que c'est comme un changement d'information. Puis c'est dit. On n'en parle pas. Ça restait vrai à l'époque, mais là, ça change. Oui, c'est ça. C'est ça. Ils sont revenus sur la décision. Donc, ça va être une assemblée générale sans sujet spécial, en tout cas pour l'instant. Là, ça va être comme à chaque début d'année, là, état financier, grandes orientations, présentation du conseil exécutif. OK. Je vais vous en reparler de toute façon. C'est le 3 octobre. Là, fait que j'ai le temps de vous en reparler en masse puis de vous rappeler la date pour que vous ayez juste ça en tête avant d'y aller. Puis, pour conclure, comme vous avez peut-être lu dans le journal Zone Campus, le poste de président est vacant, donc président de la GEQTR. Les personnes intéressées par le poste doivent tout d'abord être étudiantes, puis à l'UQTR. Les personnes intéressées ont jusqu'au 17 septembre, c'est un lundi, donc jusqu'au lundi 17 septembre à 17h pour remplir les documents nécessaires pour être candidat finalement officiel là, pour l'élection. Est-ce qu'on se présente au bureau de l'AGE? Oui, c'est ça. Dans le fond, on a tous les documents nécessaires à l'AGE. Donc, faut remettre une politique électorale lue et signée, politique électorale de l'AGE, donc disponible à l'AGE. Un formulaire de mise en candidature pour la présidence qui a des lignes, en fait, pour... le candidat doit aller récolter un minimum de 60 signatures d'étudiants actifs de l'UQTR. Okay. On a aussi ce formulaire-là, bien sûr, de disponible dans nos bureaux. Puis, finalement, la politique d'implication des officiers du conseil exécutif qui doit être lue et signée. Puis, l'étudiant, pour nous prouver son statut d'étudiant, doit nous remettre une copie imprimée de son horaire de cours. Ah. Puis, c'est ça. Donc, nous remettre tout ça avant le lundi 17 septembre à 17h. Puis, si, évidemment, les étudiants ont des questions, ils peuvent venir... peuvent soit m'écrire, là, moi, en tout cas, Jasmine Raymond-Drainville, secrétaire générale, vous pouvez trouver mon courriel sur le site de l'AGE. C'est moi qui va pouvoir répondre à ces questions-là, les autres officiers aussi, mais c'est... Est-ce qu'il y en a des gens qui ont postulé, si on peut appeler ça comme ça? Ben là, ça a été ouvert dans le matin, là, fait que moi, j'ai pas eu vent de candidature encore, là, sauf que le poste est ouvert depuis hier matin. Okay. Est-ce que c'est toi qui remplis ces fonctions par intérim, ou est-ce que c'est... Oui, ben selon les statuts règlements de la GEQTR, c'est le secrétariat général qui assure l'intérim de la présidence lorsque le poste est vacant. D'accord. Donc, c'est ce qui conclut. Et le poste ne peut pas être comblé à l'interne ou... Mais il faut procéder. La politique électorale, le poste doit être ouvert. Okay. Puis, si jamais quelqu'un à l'interne est intéressé, il doit faire la même chose que n'importe quel autre étudiant intéressé par le poste. D'accord. Hey, moi, j'ai une autre question. Tu sais, je suis un peu naïve. Là. Oui. Jasmine, parle-moi donc des agendas. C'est naturel à la mort, ton affaire. Mais oui, les agendas. J'y pensais même plus. Mais oui. C'est pour ça que je te le demande. Je veux le savoir. J'en ai parlé hier. Oui. Les agendas sont en vente au coût de 4 $ dans le hall du pavillon Albert-Tessier, en face du centre de ressources multiservices, au 2218 Albert-Tessier aussi. Puis c'est ça. Ici? Donc, dans vos bureaux ici? Ben, oui, dans les bureaux ici, évidemment, là, oui, aussi, on peut en vendre. On est à ces deux endroits-là toute la semaine, de 8h à 16h pour en vendre. Puis le reste de l'année dans nos bureaux, puis au 2218 Albert-Tessier, il y a moyen d'en acheter. Hier, on a vraiment eu une journée, il n'y a pas de mots, là, je pense, assez gros là, pour définir comment il y a eu du monde pour venir acheter des agendas. On a vendu tout ce qu'on avait. Puis on est en attente d'une autre commande là, pour en avoir d'autres parce que c'est... On a tout écoulé. Ça hein? a été fou, là. Ça, c'est juste les nouveaux étudiants, en plus, là. Oui. Ben pour la plupart. C'est ça. C'est qu'en fait, les autres années, la vente débutait une semaine à l'avance. Puis là, il y a eu des petits retards dans la commande. Là, fait que finalement, on les a reçus pour commencer à les vendre hier. Puis ça s'est vraiment tout vendu. Donc, Puis Jasmine, dis-moi, pourquoi c'est important d'acheter l'agenda de la GE? Ben parce que toutes les activités de la GE sont inscrites dedans. Il y a aussi comme les règlements. Il y a des rabais, il y a des règlements, il y a nos photos avec nos faces pour que vous nous... Non, mais... Oui, pour que vous nous connaissiez. Ben, non, mais pour avoir nos courriels aussi, c'est super facile de nous rejoindre avec ça. Activité de la GE, si vous tripez sur les sushis, il y a des rabais à pu finir sur les sushis. Il y a des rabais. C'est la raison la plus populaire, je pense. C'est ouais. Pour les sushis. Mais il y a des rabais pour tout. Là. Vous rentrez dans votre argent. D'encre. Il y a vraiment plein de choses. Ça vaut vraiment la peine. Il est bien fait. Le format, il n'est pas super gros. Non, ça rentre bien. Ça rend, il est rapetissé. 4 piastres, tout le monde a ça dans son portefeuille. C'est ça. Tout le monde a besoin d'être organisé. Je pense que tu achètes une boîte de sushis puis tu as rentabilisé comme ton agenda. C'est presque une info pub, mais c'est vendeur. Mais non, c'est vrai. C'est ça. Puis il est vraiment populaire, tout le monde l'achète. Là. Mais moi, je connaissais du monde qui achetait comme plusieurs agendas au courant de l'année pour genre profiter des rabais. Parce qu'ils rentraient dans leur argent. Là, t'es ambitieux, non, c'est vrai. Donc, c'est ça. Puis finalement, Julie va pouvoir nous en parler, mais il y a une réunion du comité de mobilisation de la GEQTR qui va avoir lieu le 11 septembre à 18h au 10-12 du pavillon Néré-Beauchemin, le fameux 10-12. Puis, en fait, là, on sait que c'est un gouvernement péquiste qui a été élu, ce qui signifie qu'il va toujours y avoir une hausse, peu importe de comment elle est, c'est une hausse. Puis la position de la GEQTR par rapport à la hausse des frais de scolarité, c'est que ça n'en fait aucun changement de la facture étudiante jusqu'à la tenue d'états généraux en éducation. Donc, nous, on doit continuer à lutter. Puis, Anne-Julie va recevoir les étudiants intéressés à poser des actions, à s'impliquer dans la GE le 11 septembre à 18h au 10-12. Donc, c'est en plein ça, hein? Puis, on a vu que les étudiants sont toujours mobilisés. On a un beau petit campus rouge ce matin, le petit carré rouge. Donc, on voit que les étudiants de l'UQTR restent mobilisés malgré le changement de gouvernement et la nouvelle rentrée scolaire. Donc, c'est important de continuer à s'impliquer. Je rappelle, d'ailleurs, on a eu notre première grève générale limitée. 9 jours. C'est ça, 9 jours, hein, on est contents. Puis, c'est ça, fait que, bref, cette année, on va souhaiter que la mobilisation continue. Puis, au niveau des départements, puis au niveau de la GE, puis, c'est ça. Puis, aussi, dans l'agenda, il y a les parties aussi des assos. Oui. Si vous êtes, dans administration, vous allez savoir quand est-ce qu'administration fait des parties, tu sais. C'est comme un changement de sujet, ça, là. C'est correct. Bon, on rappelle le jour, la date, l'heure, l'endroit et tout du jour de mobilisation, 11 septembre. 18h au local 10-12 du pavillon Néré-Beauchemin. Merveilleux. Merci à vous deux, finalement, Anne-Julie et Jasmine. Mais ça fait plaisir. Merci. Je suis le content d'être revenu. Yay, c'est le fun. On est content de te revoir. Ouh. Donc, on rappelle que les deux, Anne-Julie, c'est à 7h45 le mercredi et Jasmine Raymond-Drainville, c'est à 8h. Ouais. Voilà. François? Mathieu? Oui. Dans quelques minutes, ce sera C'est un fait. Yay! Mais pour l'instant, on écoute du Orange Orange qui va être au parti de la rentrée. Et je vous fais entendre ma pièce préférée, c'est-à-dire celle que personne connaît d'Orange Orange, mais que moi j'adore. Voici Marin mort en mer à Assemblage Requis. Et ben. Oh yeah! Si j'ai mal au cœur. J'ai peur que sous moi la coque se déchire, que mes mains m'emportent. J'ai peur que sous moi la coque se déchire, que mes mains m'emportent. Orange Orange est ma pièce préférée de deux autres. Sur leur album Orange Orange, c'est Marin mort en mer. Ça... Partie de la rentrée, est-ce que tu vas être là, Mathieu? Ben, j'aime beaucoup Orange Orange, moi. Pour vrai, je trouve ça vraiment très, très bon. Ça me surprendrait pas. Je pourrais y aller. Ce serait une bonne idée. Yeah. Ouais. D'ailleurs, Orange Orange, c'est ça, les gens connaissent une ou deux chansons, mais allez entendre les autres. Mais celle-là, on l'entend souvent à la radio. Je l'ai fait jouer ici, une fois de temps en temps. Mais dans Jazzer aussi? Oui, c'est ça. Ben, oui, en effet. Mais moi puis Jazzer, on est ben chum. Ben chum. Et le chef de diffusion qui diffuse quand c'est pas les émissions, c'est-à-dire? Exact. Souvent. Donc, François-Olivier, c'est le moment de parler des activités du campus, mais qui sont pas de logis. Non, c'est ça, exactement. Écoute, on va faire une petite tournée, tu vas voir, c'est très, très court. Je te connais, attention. Ici? Je te connais. OK, merci. Go. Écoute, ça commence en fait à partir du 17 septembre. Et qui va se dérouler jusqu'au mois de décembre. C'est le water polo ici à l'UQTR. Hein, ça existe à l'UQTR? Wow. Ouais, si t'as le goût d'essayer ça, Mathieu, c'est évidemment un nouveau sport, là, le water polo. Changer les idées. Viens l'essayer, en fait. Ça nécessite d'enlever son chandail, ça, je pense. Ouais, exactement. Ouais, c'est pas pour moi. Écoute, ça se déroule évidemment au CAPS ici. C'est pas mentionné si ça coûte quelque chose. Je penserais pas si t'es étudiant, là, évidemment. Là. D'après moi, ça peut être gratuit. Et d'ailleurs, d'après moi, il faut quand même que tu sois en forme, hein? Okay. Parce que tu ne touches pas par terre. Oui, c'est vrai. Hein? Tu sais, c'est... Mais ça doit être une belle expérience. Tu sais, souvent, les sports comme ça, qu'on voit plus souvent aux Olympiques, ouais. On se demande comment est-ce qu'ils font pour arriver là. Comme le lancer du javelot, tu te lèves pas le matin pour lancer, tu sais. Non. Ah, mais ça peut être une belle expérience. Donc voilà, en fait, ceci étant dit... je me transporte jusqu'au 26 septembre pour le Salon des vins de Trois-Rivières. Évidemment, ça va se dérouler ici même au CAPS à partir de 16h30. Et les billets sont d'ailleurs en pré-vente au coût de 20$. Et sinon, à la porte, ça va être 30$. C'est une belle réussite à chaque année pour les Patriotes. Voilà, ça nous permet de goûter à plein de choses. D'ailleurs, il y a, je pense, un combat de cuisiniers. Là. Ah, cool. J'ai entendu dire que cette année, c'était plus seulement le hockey, mais bien les Patriotes en général. Donc, les autres équipes de sport vont pouvoir participer au Salon des vins aussi. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Ce qui est une bonne initiative. Donc, voilà, c'est tout. C'est tout? C'est tout. Ben, ça t'a pris 1 minute 40. Ah ouais, ça peut être long. Écoute, okay. Sincèrement, je pensais qu'elle allait avoir beaucoup plus. Pour la rentrée, on s'attend à ça. Effectivement. Donc, dans quelques minutes, on va faire « Tu manges mon cœur » avec nos coups de cœur de la semaine. On va aussi faire « C'est un fait », mais avant ça, voici « Alias » de Jeunesse. Plus! À son âge requis au 89 FM, c'est fou dans vos oreilles. Oh, hasard, coup de dé, aléatoire, rien n'est fixé. Ils hésitent, ils s'en foutent. Tant d'aléas, mais tu peux toujours faire. Elle n'a rien à perdre et tout à gagner. Joue sa chance, c'est ton tour. Retour nos coups de cœur dans Tu manges mon cœur et des faits dans C'est un fait. Tu vois comment on met le mot de chaque chronique pour essayer de l'expliquer dans le titre? Ça fonctionne bien. Ça marche très bien. Rassemblage qui pour toi aujourd'hui? Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Le plan de demain à assemblage requis. Alexandra Carignan nous fera sa nouvelle chronique culturelle et le grand retour de la chronique politique de François Landry. Je pense qu'on va peut-être revenir sur les élections. Je pense que oui. J'espère bien. Ça en a besoin, là. Moi, je comprends rien sans lui. C'est demain, dès 7h. Ah, c'est fou. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Assemblage requis en pièces. Détaché, Mathieu, Plante, François, Olivier, Marchand. J'aime bien la fin de celle-là. Toujours à Assemblage requis avec Info et Mathieu, c'est bien ça, comme l'annonceuse l'a dit. L'annonceuse. Je dis tout à les deux, pour être sûr de couvrir toutes les. Toutes les genres. Tous les genres. Parlons donc comme fondateur radio. Hey! Info, Mathieu, oui, ce qu'on aime faire, nous, les deux animateurs d'Assemblage requis, en fait, c'est nouveau pour toi, parce qu'on a commencé cet été à faire ça avec Alexandra. C'est une première. C'est une première pour nous. Je suis un peu gêné. Bon, ben, commence par te rhabiller. Hein. Ouais, ça peut aider. Voici Tu manges mon cœur. Mange mon cœur, c'est la chronique. Il y a des coups de cœur des animateurs d'Assemblage requis et que j'aime donc ça faire ça. Et comme tout l'été, c'était les femmes d'abord, j'ai bien pris l'habitude de le faire en dernier. François, comment ça? OK, tu veux me traiter de... Non? Ben, tout le monde a une partie féminine dans la vie. Chacun son côté féminin. Mais non, je ne te considère pas plus féminin. Plus féminin que ce que je suis, vraiment. Non, c'est ça. Bon, merci. Hey, Mathieu, écoute, je te parle évidemment d'un groupe que je t'ai déjà parlé parce que j'aime beaucoup ça. C'est normal d'en parler plusieurs fois quand t'aimes ça. C'est ça, exactement. Millencolin. Millencolin qui ont sorti d'ailleurs un CD cet été en date du 29 mai. Et d'ailleurs, c'est un peu spécial parce que ma fête, c'est seulement le 31. Donc, hey, bonne fête, François. Mais je pense qu'ils le savaient, tu sais. Ouais, ben c'est voulu, là. Ouais, c'est ça, exactement. Et puis, ça coïncidait exactement 20 ans de différence avec l'album de Melancholy Collection. Okay. Et l'album qu'ils ont sorti, c'est de Melancholy Connection. Oh, Connection! Connection! C'est comme un genre de jeu de mots semi. Donc, semi. En fait, Voilà, on retrouve des anciennes pièces, d'ailleurs, qui étaient disponibles sur les disques auparavant. Par exemple, ils ont modifié que ce soit... ils chantent en suédois au lieu de chanter en anglais. Okay. Quelques changements comme ça. Des variantes. Oui, exactement. Et il y a deux nouvelles chansons. D'ailleurs, c'est les deux premières du CD. La première, c'est « Carry You ». Et puis l'autre qu'on va entendre, je pense, tantôt. Oui. Hein? Il me fait signe que oui. Ben oui. C'est « Out From Nowhere ». Et puis, deux très bonnes pièces, d'ailleurs, qui se retrouvent en vinyle, qui étaient disponibles. L'exemplaire est sorti à 500 copies. J'ai réussi à mettre la main là-dessus cet été. En fait, là, quand ils ont sorti l'album, là, c'était comme une promo. Ça a bien été, d'ailleurs, Mélan Collin qui ont joué, qui ont fait un festival expressément pour eux autres, pour souligner, d'ailleurs, les 20 ans. Ça s'est passé en Suède, évidemment. J'y ai pas été. Hein. Ben non, hein? Je pouvais pas. Et puis, voilà. En fait, écoute, ça ressemble à du Mélan Collin. C'est du Mélan Collin. Et j'aime ça. Donc, voilà. Je sais pas, écoute. Est-ce qu'on va l'entendre tout de suite ou tu veux... J'irai avec Warwell tout de suite. Okay. Je trouve que les deux styles ne vont pas finir. Non, c'est ça, exactement. Et ça brasse quand même un petit peu. Là. D'accord. Donc, on écoute quelle pièce de Mélan Collin? Out From Nowhere. Tout de suite. Puis après ça, je vous parle de Heartless of the Year. Collin avec la pièce Out From Nowhere qui se retrouve d'ailleurs sur l'album The Melancholy Connection, qui ont sorti fin mai 2012, le 29 mai plus particulièrement. C'est bon, je te disais que d'habitude, tu sais, la musique de ton genre, mettons, ça varge un petit peu plus, je ne sais pas d'habitude, mais c'est là, je l'ai bien aimé. C'est accessible quand même, Melancholy, ouais. On ne se fera pas d'accroire, là. France bidon, on ne se fera pas d'accroire. On va dire les vraies affaires, là. C'est, hein? C'est là que ça se passe à matin. Non, mais souvent, tu sais, le monde pense que, tu sais, vu que c'est classé comme punk, ouais, c'est ça. C'est pas ça, mais c'est bon. T'es trop violent, non. Pas celle-là, pas non, celle-là. On aime ça. Ouais. Moi, François, toujours dans la chronique, tu manges mon cœur. On vous présente nos coups de cœur de la semaine, les animateurs d'Assemblage Requis. Moi, j'y vais avec le nouvel album de Artist of the Year. Oh! Et Colin, que c'est donc bon, ça, cet album-là de Artist of the Year. C'est sorti quand, ça? C'est sorti... c'est sorti juste avant toi, ton Million Colin. Je pense qu'on a sauté l'été par-dessus. C'était genre en avril, fin avril. Ah ouais? Mais je l'avais pas encore écouté. Je remettais ça plus tard. Pour ceux qui ne connaissent pas Artists of the Year, c'est eux qui font la chanson thème des Palmarès C'est Fou, qui est de retour ce jeudi entre 15h et 18h. C'est Boom Bowley, tout le monde la connaît. Il y a une pub aussi en ce moment sur nos ondes. Je crois que c'est celle d'Eddie King qui a une pièce de Artists of the Year derrière. Tout ça pour dire que leur nouvel album s'appelle Up Yours, qui est sorti récemment quand même. Et là, j'ai pris le temps de l'écouter plusieurs fois. En fait, j'ai adoré. La raison que j'ai attendu aussi longtemps, c'est que je voulais choisir... c'est un petit secret comme ça que je vous dis là. Que j'aurais aimé trouver une nouvelle chanson thème pour les Palmarès C'est Fou. Et malheureusement, j'ai pas trouvé. Donc, vous allez endurer encore la même chanson. Mais non, c'est ça. C'est super bon. C'est vraiment très, très... C'est de la musique instrumentale comme je l'aime. Il y a encore une fois quelques petites chansons où ça se met à chanter. Je dirais même que une bonne partie des chansons, il y a au moins une phrase qui va être insérée à quelque part dans la chanson. Je trouve que ça gâche rien. Mais moi, je préfère l'instrumental, complètement 100% instrumental. Ouais. C'est comme ça que je suis pour le groupe Artists of the Year, que j'avais vu en spectacle il y a quelques années, que j'avais adoré. Comment? Au Trou du Diable, exact. C'était super bon. Vous pouvez acheter l'album pour à peine 8$ sur Bandcamp et sur iTunes. Si vous choisissez de télécharger sur Bandcamp, vous pouvez choisir le format de fichier, comme toujours, et vous gravez vraiment un CD avec une réplique exacte de la chanson. Good. Alors que sur iTunes, c'est des MP3 de quand même bonne qualité. Ils vont être à Montréal ce vendredi. Vous pouvez aller voir sur leur page Facebook pour les renseignements là-dessus. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait à dire aussi? AOTY.ca, c'est leur site. Donc, Artist of the Year, mais seulement les premières lettres, .ca. C'est leur album numéro, attends un peu, que je commence par Le Gala. Ensuite, il y a eu Code Disco, il y a eu Wreck la Discothèque, Velours Brigade et Up Yours. Donc, c'est leur cinquième. Le premier était un maxi, donc je dirais peut-être quatrième et demi album. Mais c'est super bon. Et je vous fais entendre une pièce. Je dirais ma pièce préférée, celle que j'ai écoutée le plus sur l'album. C'est I Just Wanna Ride a Unicorn, Artist of the Year, tout de suite. Et après ça, on fait C'est un fait. C'est Assemblage Requis. C'est un fait. C'est dans le désordre un petit peu. C'est fou, Assemblage Requis, 4 fait. La fin est écœurante. Oh, ouais. Le début, non, c'est bien. C'est bien. Moi, j'adore ça. C'est Artist of the Year. C'est génial. La pièce s'appelle I Just Wanna Ride a Unicorn. C'est sur leur album Up Yours que je vous conseille énormément. Si vous aimez ce style-là de musique, ça, la chanson qu'on a entendue, c'est pas mal l'album au complet. Et ça peut pas être meilleur que ça. Comme je disais à François-Olivier Aronde, la raison que j'attends, en fait, je pense que je l'avais dit en onde aussi, mais bon. La raison que j'avais attendu aussi longtemps, c'est que je voulais choisir une nouvelle intro pour les palmarès. Et je suis très, très sélectif dans les palmarès. C'est fou, vous le savez. J'ai besoin d'une intro de 10 secondes, un thème mémorable de 20 secondes et ensuite un fond. Et il n'y a pas ça sur le nouvel album dans le fond, Up Yours. Mais par contre, sachez que toutes les chansons de cet album-là vont se retrouver comme fond musical. C'est évident. Et je vais garder le bon vieux thème Boom Booty de leur album Cut Disco. Voilà pour Tu manges mon cœur. On rappelle donc l'album que François va choisir, c'est The Melancholy Connection. Connection. De Melon Collin et moi c'est Up Yours, The Artist of the Year. Deux très bons choix pour cette première chronique Tu manges mon cœur. Ben t'entends vedette toi-même, François. Oh. C'est beau, hein. C'est tendre. Bah, tendre, doux et dans le sens du poil, ronronnant et tout et tout. Maintenant, transitionnons de Tu manges mon cœur à la chronique C'est un fait. C'est un fait, c'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables. Et en fait, c'est la première chronique, c'est un fait de l'année. D'automne, dans le fond, de l'année avec toi. Oui. Donc, on n'a pas eu hier. Non, on n'a pas eu hier. C'est ça. On l'a fait tout l'été quand même, mais cet été, on a commencé un nouveau concept. Tu connais déjà le Quickie Edition, c'est quand on fait une rafale de faits sans les expliquer trop longtemps. Ça va être pas mal ça. Ça va être pas mal ça aujourd'hui. Mais là, on le fera pas aujourd'hui, mais je t'avertis que je vais le faire dans les prochaines chroniques. Il y a un bloc Kinky Sexy Time. Okay. Qui est un bloc un petit peu plus genre, tu sais, kinky, sexy, là, ça le dit dans le titre, mais sans utiliser trop de termes vulgaires. Donc, on va essayer de rendre ça le plus subtil possible, mais je vais en reparler quand on le fera. Pour l'instant, on fait juste un Quickie Edition. Et on commence avec Norman Bridwell. Est-ce que tu connais Norman Bridwell? Non, je ne dis rien du tout. Ben, il a appelé son chien, son gros chien rouge, Tiny, mais sa femme lui a suggéré Clifford, et c'est devenu Clifford, le chien rouge. Tu sais, le gros chien rouge Clifford, les dessins animés. Tu connais pas ça? T'as un enfant, pourtant, ça va venir. C'est peut-être trop vieux pour toi encore. Ouais, non, ouais, je pense que. Donc, Clifford, ça aurait dû être Tiny et il a été nommé Clifford en l'honneur de son vieil ami imaginaire. Voilà. C'est super. Oui. À elle. À la fille, à sa femme. En 2009, la PETA, tu connais l'Association de la protection pour les animaux, etc. Bon. On a demandé aux Pet Shop Boys, en blague, de changer leur nom pour Rescue Shelter Boys. C'est pour sauver les chiens. Mais ça n'a pas marché, mais quand même, c'est une bonne idée. Puis c'est ça que j'aime de la PETA, c'est les gens ont beau chialer, dire que c'est n'importe quoi. Mais c'est pour faire parler d'eux. Ils veulent pas nécessairement vraiment accomplir leurs affaires qu'ils commencent à faire, mais c'est pour en faire parler. Et ça fonctionne. Le cofondateur d'Atari, Nolan Bushnell, est aussi responsable pour le démarrage des restaurants Chuck E. Cheese. Les restaurants pour enfants aux États-Unis. OK. Chuck E. Cheese. Jim Cummings, la voix de Winnie the Pooh, Winnie l'ourson, appelle... Winnie! Appelle des enfants malades dans les hôpitaux et leur parle... Avec la voix du personnage. Ah, c'est cool, ça. C'est vraiment gentil. Ah, oh, ouais. Ça, le 12 septembre dernier, non, en fait, le 1er septembre dernier, c'était la journée internationale du bacon. Oh! Oh, oh! OK. Ça me surprend qu'il n'y ait pas encore de genre de restaurant thématique de bacon ou de magasin bacon, parce que c'est tellement à la mode sur Internet. Bah, Montréal, il doit en avoir. Peut-être, hein. J'imagine. S'il peut y avoir des restaurants de gaucher des Simpsons, il peut bien avoir des restaurants bacon. Ensuite, en 1988, George H.W. Bush, le père, a brièvement considéré nommer Clint Eastwood comme colistier. Hein? Lors des élections, ça n'a pas eu lieu. Non. À l'époque médiévale, on appelait un moment, entre guillemets, M-O-M-E-N-T, c'était défini comme un 40e d'heure, donc 1,5 minutes. On disait, je reviens dans 2-3 moments, tu sais. Eh bien. Ça veut dire entre 3 et 4,5 minutes. 4,5. On devrait commencer à ramener ça, je trouve. Tu peux. Rien t'en empêche, Mathieu. Ben, il y a une compagnie de montres, c'était quoi? C'était Timex qui avait le Timex Time ou je sais pas trop quoi. C'était une façon différente de séparer les heures et les minutes. Puis il y avait des logiciels pour ça, pour convertir ton temps. C'était pas Timex, je pense que c'est une autre compagnie. Le jogging. OK? Faire de l'exercice en faisant du jogging. Ça a été inventé en Nouvelle-Zélande à la fin des années 40. Faire de l'exercice en faisant du jogging? Faire du jogging. Pour faire de l'exercice, faire du jogging, en tant qu'exercice, ça a été inventé à la fin des années 40. J'imagine que le jogging existait déjà avant, ça devait être un sport ou ça, quelque chose comme ça. Ah, bizarre. Alors, en 1980, il y avait seulement un joueur de la NFL qui pesait 300 livres. En 2004, combien? Ouais. 339, pas super. Mais en haut de 300 livres. Ouais. Mais tu sais, c'est des brutes, là. Ouais. C'est des brutes. Ça court pas vite. Là. Ah non, c'est ça quelque chose. Ouais, ça fait pas du jogging, mais ça. Ben non. Ça court en jouant au. En même temps, si tu pognes ton store, parce que. Ouais. Le coût d'une franchise de la NFL, vous aurez compris qu'on est dans un bloc sportif. Je le précise, mais tout le monde comprend. Le coût d'une franchise de la NFL en 1920, c'était 100$. En 1999, c'était 700 millions. 100$ pour une franchise. En quelle année? Ça, c'était en 1920. Okay. En 99, 920$, c'est quand même important. Ouais, mais c'était pas 700 ouais, millions. Ouais, c'est ça, c'était pas... Et le plus grand, le prix le plus élevé jamais payé pour une équipe de la NFL, c'est 800 millions. Mais ça dit pas qui, parce que c'est Quickie Edition, pas de détails. Ça. Le plus gros stade de la NFL, c'est le ce que j'appelle le comment je pourrais l'appeler ça? Superdome? Non, j'essaie de trouver un nom. Attends, c'est le l'envoi de colis Field. Le FedEx Field. Parce que je refuse, moi, c'est un principe dans la vie d'utiliser les noms des marques. Donc, par exemple, le stade Uniprix, c'est le stade pharmacie, tu sais, clairement. Ça. C'est le stade pharmacie. Stade pharmacie, pour moi. 188 pays appellent le soccer le football, alors que seulement 4 appellent le soccer du soccer. Oui. Parce qu'ailleurs, du soccer, c'est du football. Ouais, c'est ça. Alors que du football, c'est du football américain, tu sais. On s'entend là-dessus. 188 pays. Si on fait dissoudre de la gélatine sans saveur, en fait, c'est ce qu'on utilise pour garder les cheveux d'un nageur synchronisé en place. Donc, ils mettent de la gélatine sans saveur dans leurs cheveux pour tenir les cheveux en place pendant leur performance. Sinon, ça ferait flip-flap les cheveux. T'sais. Ouais. Hein? Mais ils n'ont pas des bonnets? Des bonnets? Ouais. Ben, pas tout le monde, on dirait. Hein? Pas tout le monde. Sinon, j'étais sûr. J'étais sûr que c'était un prérequis. Ah, je sais pas. La première puck de hockey, tu sais, la première rondelle. En fait, on devait pas appeler ça une rondelle. C'est fait du caca. Non, on était en carré. Oh ouais. Selon les faits que j'ai devant moi. OK, mais je sais que dans le test, c'était fait avec du caca de vache. Potentiellement. J'imagine qu'avant, ça devait être en caca. Ensuite, ouais. Ça a été en carré, en plastique et ensuite en rond. Bien. On arrête le bloc sportif. Une dose fatale de chocolat pour un humain, c'est environ 10 kg à la fois. OK. Alors qu'un petit oiseau, Songbird, un petit oiseau, je sais pas, j'ai pas traduit le terme là-bas, mais un petit oiseau, peut être tué avec un seul M&M. Ouais. Eh bien. Sarah Jessica Parker, on parle de célébrité maintenant. Sarah Jessica Parker a été nommée la femme la moins sexy du monde par Maxim Magazine en 2007. C'est insultant. Hein? C'est vrai, mais c'est moins insultant. Sexy. La moins sexy du monde. Sarah Jessica Parker, tu trouves pas? Ben là, je l'ai pas en tête, on dirait. La fille de sexe à New York, là. Ben, pas si pire. Elle se fait souvent traiter de face de cheval, tu sais. Ah ouais. Je le pense pas parce que moi aussi je la trouve pas repoussante du tout, mais je pense pas. Il y en a des bien pires que ça. Ben c'est. Tommy Lee Jones et Al Gore étaient colocs au collège au Cégep. Ah ouais. Ouais. Eh bien. Quand un dauphin est malade ou blessé, ses cris de détresse font que les autres dauphins viennent à son aide et ils essaient de le ramener à la surface, le dauphin, pour qu'il puisse aller respirer. C'est cool. Ils sont gentils. Ouais. Toujours dans les animaux, une dinde adulte a environ 3500 plumes. Hey, sais-tu l'être une dinde? J'en ai vu une cet été. Une dinde sauvage, là, c'est affreux. Oui. Affreux. C'est vrai. Ah, c'est... Mon Dieu. Tu sais, Maxime Magazine, vous avez pas trouvé une dinde, la dinde la plus là du monde. Une pieuvre a trois cœurs. Mmh. Ah ouais. Un ours adulte peut courir plus rapidement que certains chevaux. Mmh. Les pingouins peuvent sauter aussi haut que 6 pieds dans les airs. Hey. Les dauphins ne boivent pas d'eau. Ils prennent leur liquide de la nourriture qu'ils mangent et en brûlant le gras de leur corps. Un hippopotame peut courir plus vite qu'un humain. Mmh. 3% des gens qui sont propriétaires d'un animal de compagnie vont leur donner des cadeaux à la Saint-Valentin. 3%. C'est pas énorme. Pas énorme. Une girafe peut nettoyer sa propre oreille parce que sa langue a 20 pouces de long. Elle est assez longue. Tu sais, ceux qui peuvent toucher leur nez, là, va te rhabiller. Ouais, c'est ça. Littéralement. Quand même. Les chats peuvent cracher jusqu'à 150 boules de poils pendant leur vie au complet. 180. La plupart des joueurs de volleyball peuvent sauter environ 300 fois par match. Impressionnant. Le vin rouge représente 55% des ventes de vin dans les restaurants. Selon le National Institute of Health, avec le H au début, plus de la moitié des Américains ont une allergie ou plus. T'es là-dedans, toi? Mais t'es pas Américain. Je suis pas Américain. Buick a présenté le premier clignotant électrique en 1938. Ah ouais, c'était le premier. Premier. Intéressant. L'oiseau, un oiseau de 2 pieds qui s'appelle le Kea, vit en Nouvelle-Zélande et aime manger les bandes de caoutchouc autour des fenêtres dans les voitures. Eh bien. C'est spécifique quand même, ça. Ouais, quand même. Les étudiants collégiens aux États-Unis dépensent 5,5 milliards sur de l'alcool par année. 5,5 milliards. Juste les étudiants collégiens. Ouais. Et je garde le reste. On avait un bloc thématique de sport. On demain. Le fera demain. Demain matin. Pour l'instant, on va se quitter parce que c'est la fin malencontreusement. Est-ce que ça s'applique malencontreusement à cette... Oui, je pense que ça s'applique. Je pense que oui. On se retrouve demain entre 7h et 9h à l'émission Demain, François-Olivier. On va avoir François Landry à 8h30. On va parler politique. On va aussi avoir Alexandra Carignan qui va nous faire sa nouvelle chronique culturelle. Elle va être le lundi d'habitude, mais étant donné qu'il n'y a pas d'émission lundi, on l'a déplacée au jeudi parce qu'on veut tellement l'avoir. Et c'est ça, soyez avec nous demain entre 7h et 9h. Restez sur nos ondes pour le dîner de cons avec Danny Janvier. Ça commence à 11h. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre aujourd'hui? On va aller voir ça. On est comme entre deux, là. On est vraiment entre deux, en effet, mais je suis pas mal certain qu'on a une reprise d'album classique à 13h. Mais bon, on ira voir plus tard. Allez voir sur cif.ca pour la programmation temporaire avant que l'automne commence et allez voir assemblagerequis.com pour les notes de l'émission d'aujourd'hui, tous les liens qu'on a mentionnés, les balado-diffusions. On remercie tout le monde qui est venu à l'émission d'aujourd'hui. Anne-Julie, Jasmine, merci à vous. Merci beaucoup. Disons, ben, on vous aime, puis on se quitte avec 17 The Whale et 2010, un autre des succès de l'été. Et on se revoit demain. Bye, François. Bye, Mathieu. Bonne journée, les requins. Bonne journée. Faites comme les dauphins, aidez votre prochain. Ouais. À prendre l'air. À prendre l'air? Ouais, c'est ça qu'il faisait? C'est ça. Les ramener vers l'air? C'est une bonne morale, ça. C'est pas pris. Aidez le prochain à prendre de l'air. Amenez-les dehors. Amenez Mathieu dehors, là. Moi, j'achète. Non, dehors. Non. Et cet été, je suis allé beaucoup dehors. I've seen enough parts to know where we stand. It's impossible to take it all in. Those bright city lights, they're burning your eyes. It's unreasonable to see them from Mars. You're unrecognizable, your state of the art, your paper plans, your council in tar. You incorrigible stone, you're missing the point. You're undrivable, you're falling. Just after the fact, a note arrived, hand on our backs. Those fiery skies, they showed us all why. So livable, set the bar.